Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 44 de l'Horreur Gamer Show, 6 au micro. Et en ma compagnie ce soir, fallait qu'il soit là parce qu'à ce soir, on va parler de sa Shameless. Sébastien Bouchard est avec moi, comment ça va Seb? Ça va pas pire, bien, full. Dave, ok, next! Je veux juste pas présenter tout le monde, parce que sinon, je pense que on va s'en aller dans un foutu bordel. Next, Steven et François est avec nous. Comment est-ce qu'il va, Steven? Ça va pas pire. Et avec nous aussi, Jean-François Tremblay. Comment est-ce qu'il va? Mal à la gorge, mais ça va bien. Excellent. Je suis de bonne humeur. Parfait, ça. La dernière et non la moindre, Vicky est avec nous. Comment est-ce qu'elle va, mademoiselle? Ça va bien, comme une fille qui est rendue à son deuxième verre de vin. Ah, mais je suis rendu à ma troisième bière, fait que je te bats. Non, pas vraiment une compétition. Je vais m'adresser à Sébastien parce que... Recommence-moi ça, s'il te plaît. J'ai dit, c'est-tu un concours de boisson à soir? Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Ah oui, ça s'appelle Horror Gamer Show. OK. Sébastien, je m'adresse à toi. C'est ton show, c'est ta Shameless. Est-ce qu'il y a une raison? Premièrement, il va falloir que tu nous présentes les deux films qu'on va parler, mais est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que, écoute, c'est des films que tu n'avais pas vus, donc est-ce que tu te doutais que c'était des films aussi près l'un de l'autre, autant au niveau de l'histoire, de l'acting, de la mise en scène et tout? C'était-tu foulu ou ben non? C'était prévu quelque chose? Écoute, c'est un concept. Des fois, tu sais, j'ai comme des illuminations. J'ai l'impression d'être un genre de prophète du cinéma, moi. Puis, il se passe des miracles comme ça. Puis ça en est un. C'est un très beau miracle. Excellent, excellent. De quel film? Non, sérieusement, on a un beau mélange. Et les films sont? Ben, écoute, c'est Basket Case et Peeping Tom. Merci beaucoup. Avant de commencer, je voulais parler de quelque chose de quoi, non? Oui, je voulais parler. Écoute, ces temps-ci, il n'y a pas moyen que j'ouvre ma page Facebook ou mon feed Twitter ou whatever. Comme si j'ouvrais ça, mon feed Twitter. J'ouvre ça une fois par mois, en tout cas. Sans voir 50 000 annonces du fameux Turbo Kid des amis de Roadkill Superstar. Ils ont fait le festival Sundance et sérieusement, ça a fucking trop bien été. Que des bonnes nouvelles pour eux autres. Puis... c'est donc bien le fun. Avez-vous vu ça passer, vous, chers amis? Évidemment. Oui. C'est fou. Et, ouais. Le teaser qui a passé. Je dis tout le temps qu'il ne faut pas écouter ça, des teasers. Il ne faut jamais écouter des trailers. Mais écoute, c'est Johan et Michael Ironside. Come on! Johan et Michael Ironside dans la même scène. Là, oui, dans la même scène. Puis, écoute, on s'entend que c'est quelque chose. Moi, juste ça, j'en ai eu pour mon argent. C'est-à-dire que je n'ai pas rien payé encore. Mais bon. J'attends Turbo Kid gros comme le bras, c'est incroyable. Tout ce qu'on lit, c'est hyper positif, c'est hyper encourageant, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on a su qu'ils ont été signés par des représentants à LA. Je crois que le film n'est pas encore vendu, mais on s'entend que s'il a fait cette note-là à Sundance, ça va juste regarder fucking trop bien pour leur avenir. Là. Ça sera pas long. Ouais, puis en tout cas, on leur souhaite la meilleure des chances, quoi qu'ils en ont pas vraiment besoin. C'est vraiment, vraiment fucking cool ce qui arrive avec Turbo Kid. Ceci dit, Jean-François me rappelait en début de show que j'ai des gros, gros, gros problèmes avec notre show sur notre feed RSS. Je croyais que c'était juste iTunes qui me faisait encore de la boîte puis qui refusait de me passer parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, mais non. On a eu des spams qui nous ont mis de la cochonnerie dans le feed. Je suis vraiment pas un expert dans la matière et puis tout le monde avec qui j'ai essayé de régler le problème ont eu des belles surprises. S'il y a parmi vous, chers auditeurs, un expert, mais je parle de vraiment un expert, un crackpot du feed RSS là, qui pourrait venir nous dépanner, j'apprécierais vraiment parce que je suis un petit peu tanné. Les épisodes sont tous disponibles en téléchargement sur le site, mais tu sais, un feed c'est pratique. Pour ça, pour justement pas avoir besoin de se casser la tête à downloader, que ça se fasse tout automatique. Et c'est ça, j'apprécierais être incapable de régler ça. Donc, j'ai besoin d'un pro. S'il y a quelqu'un parmi vous, mais vraiment un crackpot, là. ben, prenez contact avec moi, horrorgamer@gmail.com, puis on va essayer de s'organiser quelque chose. Genre Anonymous, là, si vous nous entendez, aidez Pierre, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr si j'ai vu. Tu sais, j'ai vu plus de mon bord que contre moi, mais. Oui. J'allais dire, je pense que le gars qui a inventé le fil RSS, il nous écoute. Ouais, mais je pense. Il vient de Saint-Étienne, ok? C'est à peu près à 20 minutes de chez nous. Mais c'est dans le bois aussi, fait que, tu sais, je sais pas s'il nous entend vraiment bien. Ceci dit, on a-tu fait le tour de nos niaiseries, puis on commence à parler de nos films? Génial. Excellent, ouais. Merci. Enfin, il y a quelqu'un qui a répondu pour une fois, j'ai pas eu l'air trop cave. J'arrête ça à partir de maintenant. Alors, fait qu'on y va avec un jingle. Alors, on commence cette soirée de Shameless avec Basket Case, ou, pour nos auditeurs français, Frères de sang, un film sorti en 1982, quelle belle année, soit-il en passant, et réalisé par Frank Henenlotter, mettant en vedette Kevin Van Hentenrijk et Terry Susan Smith. Et Basket Case, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est prénommé, Colin, j'ai oublié son nom. Kevin. Dwayne. Dwayne. Ah oui, Kevin, c'est le nom de l'acteur. Oh ben. Il est... Bon, mais regarde, hein. À date, je suis encore meilleur que les acteurs du film. Fait que. Allez, je suis alors, nommé Dwayne, qui transporte avec lui un petit panier d'osier dans lequel son frère siamois. Démoniaque et caché. Et ce frère siamois démoniaque-là tue les gens les uns après les autres pour des raisons que nous découvrirons au fil du film. Ça ressemble un peu à ça. Ouais, c'était bien résumé. Je pense que de toute façon, tu peux pas y vraiment y aller en profondeur parce que t'étais déjà plus deep que toute l'entité de ce film en soi. Steven, toi qui nous commences ça avec ton appréciation, c'est quoi ton histoire avec Basket Case? Pas grand-chose, c'est un film que j'avais loué en VHS dans VIP dans le temps que j'essayais d'écouter tous les vieux films d'horreur qu'il y avait durant mon adolescence parce que j'avais juste ça à faire. Fait que c'était un des derniers que j'ai loué parce que la pochette m'attirait pas en tout. Fait que finalement, je l'avais vu puis je l'avais pas revu depuis un long moment puis je l'ai racheté en Blu-ray l'année passée. Fait que je l'ai revu puis là, je viens de le revoir pour le show. Basket Case, c'est un film... Moi, je dirais un film vraiment intelligent où ça dénonce les mauvais traitements qu'ont subi les paniers d'osier à force de se faire frapper ses murs. Puis, parle des paniers d'osier vides. Je l'ai tellement pas vu venir. Là. Je l'ai vraiment pas vu venir. OK, moi j'ai une question d'intérêt général. La différence entre les paniers d'osier et les paniers de rotin. Je connais vraiment pas, moi. C'est dans le tressage. Ben, je pense que oui. De la manière, je suis content qu'on ait une femme sur le show qui est capable de répondre. Je suis pas sûre, là, c'est en quête. Moi, ta question à Canal Vie, ils vont peut-être répondre. Oh, God. Demande à Jean-Héroldi, il est bon d'être. Tweet, là. Hey, il reste à côté de chez nous, tu sais, il y a le peu. Continue donc, Steven. Oui, Basket Case, en fait, Frank Henenlotter est un des plus grands fanatiques et fans des séries Z, et je pense que ça se voit avec Basket Case parce que c'est un film typiquement d'exploitation à 100%. Ça n'a pas de budget, je pense que ça a été fait comme avec 30 000 piastres. Les acteurs sont pas bons, mais pas bons, on va y revenir. La petite créature en latex de plastine, comme une vieille émission que j'écoutais à TQS, les chocs, ça fait juste miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, qui se transforme en toutes sortes de trucs. Ça fait dur. C'était mieux fait. C'est vrai, c'était quasiment mieux fait. Après, tout est là, tout est de mauvais goût, mais en même temps, je crois que ce qui fait pas mal la force de Basket Case, c'est justement la volonté et l'honnêteté du réalisateur, puis son histoire qui est quand même originale, puis que je trouve quand même bien. C'est juste dommage que vu que l'histoire est quand même assez, comment je pourrais dire, dramatique, ça soit souvent plus porté à rire à cause du côté cheesy puis cheap de la chose, mais je trouve qu'il y a quand même certaines scènes qui arrivent à s'en tirer tout de même. Mais comme on disait, les acteurs, mon Dieu, les acteurs... Ils jouent tout mal. Il n'y en a pas un qui joue bon dans tout le film. On dirait que c'est tout du monde qui ont pris pour juste jouer dans le film. À part de ça, l'immeuble d'hôtel où tout le film se déroule, dans le fond, ils ont vraiment été dans une vraie place d'hôtel, puis ils ont juste loué les lieux, puis en même temps, ils devaient surveiller leur équipement pour pas se faire voler, parce qu'il y avait tout le temps du monde qui arrêtait pas d'aller puis venir dans l'hôtel, puis c'était souvent du monde louche, ce qui est assez drôle. Mais je veux dire, non, l'acteur principal, à la limite, on prédit que c'est lui qui joue le mieux, mais encore là, c'est loin d'être un signe de gage de qualité. T'as des dialogues qui sonnent faux. À un moment donné, ça va dans une espèce de cabinet de docteur pour rencontrer un des fameux médecins qui aurait séparé lui et son petit frère mutant. Puis il commence à parler avec l'espèce de secrétaire, et puis il commence à se lier tout de suite d'amitié avec elle, puis il fait juste, il demande s'il a visité la Statue de la Liberté, puis les deux tours World Trade Center. Il est comme non. Mais non, t'as pas eu le temps pour ça. Elle commence à lui péter une grosse coche, puis elle commence à le narguer juste parce qu'il a pas eu le temps d'aller visiter ça. Puis c'est ça, monsieur, vous avez pas le temps d'aller visiter, puis là, elle commence à nommer plein de lieux importants de New York. Puis what the fuck? En tout cas, veux-tu qu'on en parle d'un dialogue de merde? La scène de la brosse dans le bar, man. Quand il demande. Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Oh man, c'est épouvantable. Je voulais puncher ma TV, man. C'est sûr, le pire dialogue de merde, c'est quand il vient d'arriver à l'hôtel, puis il monte les marches avec l'autre bonne femme qui dit la chambre ici était malade. Puis l'autre bonne femme, elle est en train de raconter l'histoire, puis dès qu'elle finit sa phrase, elle finit sa dernière syllabe, elle a collé son camp. Là, c'est vraiment genre, j'ai fini ma job, je m'en vais. Moi, j'ai été payé pour jouer 10 minutes, je joue 10 minutes. Aviez-vous reconnu le tenancier de l'hôtel? Ron Jeremy? Ouais, non, c'est ça que j'allais dire, Ron Jeremy. C'est Mario Bros. Ben non. C'est lui qui fait Mario Bros dans le film de Mario Bros. C'est là un grand acteur. Ben, oui. Je pense pas que ce soit lui. Ben, j'ai pas vérifié, mais je suis assez sûr que non. C'est le même acteur qui fait Mario Bros. Non, c'est pas lui, je te confirme. Non, gars qui fait Mario Bros, c'est le gars qui joue dans Unchained avec Jet Li. Exact. Mais on s'éloigne. Non, c'est... C'est Bob Hoskins. Ouais, Bob Hoskins. C'est pas lui? Bob Hoskins, merci. Non, qui a joué aussi dans Écoute, quand tu vas sur le IMDB, quand tu vas dans le IMDB de Basket Case, là, y a pas un acteur qui a une photo. Ça, c'est tout dit. Même Bob Hoskins a quand même été nominé pour des Oscars, fait que je pense qu'il reste ça. La créature, mais ouais, Bob Hoskins, il a fait Roger Rabbit. Mais la créature, oui. Pas de photo, même dans l'IMDB, c'est quand même, je pense que c'est la meilleure performance, claire et nette. c'est mon imitation. Un monologue poignant. Mais écoute, il y a beaucoup de monologues internes. Oh, oui. Le problème de son aussi, ça fuck quand les dialogues, ça coupe tout le temps, puis ça fonctionne pas vraiment. Mais c'est ça que ça fait quand tu filmes avec juste une cam, puis que toutes tes takes sont pris comme tu peux. Ouais. C'est ça. Mais je vais arrêter de rire un peu de Basket Case, parce que je la trouve charmante, cette petite œuvre-là. C'est plein de défauts, mais comme je dis, ça a pareil son charme. Je veux dire. J'apprécie tout de même l'histoire, puis il y a certaines scènes que je trouve qui arrivent à fonctionner tout de même, même si l'aspect créature est raté. J'aime le côté un petit peu humain que le réalisateur tente d'y donner, parce que veut pas si ça reste un humain difforme qui est son frère, puis j'aime bien entre les moments où il tue les matières de manière vraiment violente et gore. T'as comme un gros flashback qui dure une éternité, par contre, là, c'était peut-être pas nécessaire de faire mettre 20 minutes. Mais quand ils se font recueillir par la dame, je sais plus si c'est sa tante ou quoi que ce soit, à un moment donné, elle fait juste lire une histoire aux deux pour s'endormir, puis tu vois que la créature est quand même capable, ben la créature, on va l'appeler même pareil, la créature est capable d'attention puis de douceur, parce qu'elle est capable d'être relax puis d'apprécier une histoire avec son frère, si on veut. Détendu, exactement. Fait que ça lui donne un petit côté humain, même si c'est un peu maladroit, parce qu'on va être pareil dans l'espèce de côté cheapette au bout. Mais moi j'ai du fun. J'ai du fun avec ce film. Mais ça a un côté creepy aussi. L'aspect New York qui est crade. J'aime ça que New York est filmé de cette manière-là. Ça me rappelle Taxi Driver. Puis la manière que c'est montré, ça me donne pas envie d'aller visiter New York là, avec toutes les espèces de monde. Puis encore moins dans cet hôtel-là. Tout le monde là-dedans, c'est tout des crottés. La noire qui a l'air d'un gars, mais ça en est pas un. Je suis pas certain. C'est un homme biofemme. Biofemme. Qu'est-ce que je peux dire à part de ça d'autre? Les meurtres sont cool. Je veux dire, c'est quand même sanglant. C'est typique des films d'exploitation. Puis, ce qui est drôle, c'est que le film contient aussi le pire stop motion qu'on a pu voir dans un film. On dirait qu'il y a du lag dans le stop motion. Il manque des images pour que ça soit fluide. Mais en même temps, ce qui est assez douteux, tu sais, tu te dis pourquoi ils ont utilisé du stop motion, c'était peut-être pas nécessaire, mais le réalisateur, il l'a juste utilisé parce qu'il trouvait ça drôle. Fait que ouais. Tu vois que comment il prenait son projet pour ce que c'est en tant que tel, il prend ça plus ou moins au sérieux. Fait que... Moi, je vais dire de quoi, c'est que c'est du stop motion qui faisait passer Carnosaur pour Jurassic Park. Sérieusement. Man. Mais c'est là que tu vois les films de Ray Wiseman que tu te rends compte comment c'est du travail d'artiste, puis que c'est pas aussi facile, puis donné à tout le monde. Man, c'est un petit peu sacrilège de nommer Ray Harryhausen dans cet épisode-là. Mais je t'en veux pas, là, mais recommence. Ouais, mais c'est parce que c'est un de ses élèves hein, qui fait ça de basket case. Tu me fucking niaises. Oui. Il a manqué, ok, puis je m'en ai dit, il a manqué une coupe de cours, certains. Il a pas eu son diplôme, certains. Non, c'est ça. Non, ah, ok, bon, Dieu, on parle dans tous les sens. Non, c'est ça. Basket Case, moi, je trouve que c'est un petit œuvre sympathique avec son autre défaut, mais c'est drôle. Puis ça a quand même un petit côté touchant, là. Je sais pas, moi, ça m'a touché. Quoi? C'est... Un petit côté. Quoi? Je pouvais pas attendre de mon tour avant de. Non. Quoi? Ben, c'est triste, pauvre petit. Les deux voulaient rester. Simone. Je suis même pas aussi, je m'en vais avec ça. Bien, c'est juste ça, je vais passer mon tour. Basket Case, j'ai juste bien du fun à voir ça, puis je le prends pour qu'est-ce que c'est. Une grosse série Z que son charme, puis que j'aime bien son côté exploitation. Puis c'est pas mal ça. J'ai du respect envers Frank Nell Lauter, qui a beaucoup de cœur dans cette œuvre-là, puis qui prend pour qu'est-ce que c'est. Une estime d'œuvre pas sérieuse par moment. Excellent ça, merci beaucoup. What the fuck, le viol? En tout cas. Ah, Simonac, ouais. Merci, Steven. On va y aller avec qui? On va y aller avec Jean-François. Tiens, est-ce que toi, Jean-François, est-ce que c'était ta première fois? Oui, c'était ma première fois. Moi, je pense que je passe trop de temps à parler avec Steven de film parce que je commence à prendre ses plis. Puis moi aussi, quand j'ai vu le film, je me suis dit que si quelqu'un dans ce film-là avait eu un petit peu de talent, le film aurait pu être touchant. Je me disais qu'il y a une histoire intéressante derrière tout ça, puis c'est original, là, l'histoire, c'est quand même le fun. Mais comme on a dit, c'est dépourvu de tout talent, les acteurs sont pourris à l'os. Puis, je sais pas, mais j'ai commencé le film, là, j'ai commencé à prendre des notes, j'ai pris quelques points en note, puis la première scène de tout, on voit un meurtre, puis tout de suite, dans la première scène, t'as le feeling que c'est un film cheap parce que. Je trouvais que dans cette maison-là, il y avait vraiment beaucoup d'ombre. L'éclairage est vraiment fucké. L'éclairage est pas bon. Il n'y a personne qui sait comment éclairer un film. Là. C'est plein de grandes ombres, ces murs, puis tout ça. Moi, j'aime le côté crade de New York aussi, comme Steven l'a mentionné. Puis c'est une particularité de l'époque. Je veux dire, les années 70 puis début 80, c'était comme ça, New York. Ça ne l'est plus maintenant. C'est depuis Giuliani que c'est connu. Souvent, on va dire que Rudy Giuliani a disneyfié New York avec. Il a rendu ça familial, puis tout, Times Square, c'est pas la même chose que c'était à l'époque. Là. Mais voir ce New York-là, c'est vraiment trippant, je trouve. Ça fait penser au New York de film de Scorsese là, qui se passe dans une nuit. Taxi Driver. Ah, oh, After Hours. After Hours. Hours. Oh, oui. Ah, oui, exact. C'est vrai, oui. Exact. Moi, d'un acteur que j'aime, d'un performance d'acteur que j'aime le plus, c'est quand on voit la gang du gars qui tient l'hôtel, le tenancier d'hôtel. C'est monsieur qui sont avec lui. Il y en a un qui porte toute une chemise jaune, qui est comme le voisin de notre protagoniste, là, tu sais. Puis, il regarde la caméra, il est vraiment pas bon, son jeu est affreux, là, mais tu sais qui me fait rire, ce gars-là. C'est notre personnage préféré, sérieux, là. Puis ça n'est un, puis Pinkton, fait qu'il y a un lien entre les deux. Ah, ouais, ben ouais. Tu parles bien de l'alcoolique. Ben, c'est tout des alcooliques dans ce film-là. Non, mais non, le voleur d'argent. Ouais, le voleur d'argent. Ouais, il a l'air de Louis de Funès. La première oui, scène. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Mais la première scène, on le voit, tu sais, puis le flow, il dit, ah, je suis tout seul, puis chose, il fait. Il sort une réplique, genre, oh, t'es tout seul dans le monde entier. Ouais, c'est ça, en chantant. Oh, God. My God, d'où ça sort, ça? Il y a des répliques, des fois, qui sont le fun de même. Il y a un moment donné dans le film, le tenancier de l'hôtel, il descend les escaliers, tout fâché. Il vient de se passer une scène de meurtre, je sais pas trop quoi, puis il dit, c'est pas un hôtel, it's a nut house. Puis c'est une maison de fou. Puis Ouais, écoute, la voisine, là, quand elle pioche dans la porche, puis « Right here! Right here! » pendant 15 astis de minutes, elle gueulait comme une perdue. « Right here! Right... » Ah, man, astis, je voulais... Mais moi, j'ai envie d'aller à cet hôtel-là, tu sais, j'ai envie d'être à travers ce monde-là. C'est complètement fou, là. C'est des malades mentales, là. Mais oui, mais tu peux... La première fois que le bonhomme, l'acteur principal, il rentre, tu sais, il monte, puis... Bon, il y a la madame dont on a parlé tantôt qui raconte son histoire puis qui dit même pas salut puis qui s'en va. Mais aussi, il tombe sur sa voisine qui est prostituée puis qui se fait tâter le derrière par un gros bonhomme. Puis moi, j'ai remarqué que le gros bonhomme, ça n'a même pas l'air d'y tenter. Là, c'est comme faire dire par le réalisateur de faire ça, mais ça n'a même pas l'air d'y tenter de le faire. T'sais. Est-ce que ça t'aurait tenté? Non, pas vraiment. D'ailleurs, elle s'appelle Beverly Boner. Ok, donc elle fait de la porn cheap, c'est ça que t'es en train de dire? Non, mais là, si les escaliers sont pas propres, c'est pas la seule chose qui est pas propre dans ce bloc-là. Là. parlant de pas propre, là, la première fois que ça va dans le cabinet du médecin, c'est-tu pas un épais cabinet pendant qu'il bouffe un sandwich puis il se liche les doigts? Oh. Tarnouche, il y a de la pourriture sur les murs. Puis... les dossiers traînent partout, ça sort du tiroir, c'est tout croche. Écoute, la secrétaire où ce qu'elle est, là, ça a l'air d'une banque là, dans la mesure où c'est vitré puis tout. Ça a l'air d'être des murs fucking blindés pour être sûr qu'elle se fasse pas faire parce qu'elle crée ça. D'un coup, quelqu'un il volerait sa nestie de précieuse machine à écrire. C'est complètement dégueulasse. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, sa machine à écrire? Ah oui! Ah, si je l'ai ri, celle-là. La meilleure imitation de souris ever. Vraiment. Parce qu'elle pense que c'est un réparateur de machine à écrire. Oui, écoute. Mais ça se pourrait que ce soit une banque où, on les voit pas au complet, ces lieux-là, puis tous les lieux du film, c'est des affaires réutilisées. Hey, tu l'as dit, les lieux, on les voit pas au complet, là. J'ai rarement vu avec un film avec aussi peu d'establishing shot. Ouais. Ben oui, les scènes commencent, puis c'est comme, on est où, là? C'est un gros place, quelqu'un qui parle, tu l'as jamais vu. Mais il y en a dehors dans la rue, parce que c'est ça, t'as pas le choix. T'es dans la rue. Ben, l'entrée de l'hôtel, la réception, ce que les bonhommes, ils se tiennent, c'est même pas une entrée d'hôtel, c'est un ascenseur de service qui était ouvert, qui reste ouvert, puis ils ont mis un comptoir là, puis tout, puis... Génial! Ils ont fait en même temps, pas de budget, tu fais avec qu'est-ce que t'as, 30 000 piastres, tu dois pas aller chez loin. Ça veut pas dire, ils ont fait la même chose dans Lords of Salem, la fameuse chambre de Sherry Moon Zombie. Là, c'est la chambre de Sherry Moon Zombie, parce qu'on la voit tout le temps là, c'est un placard à balai, mais ça, c'est une autre histoire. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu. J'ai pour continuer avec le film, j'ai aimé l'attaque. On parle justement du médecin, du premier médecin qu'on... pas le premier, en fait, parce que le premier, c'est au début du film, mais celui qui mange son sandwich. La manière qu'il se fait attaquer par le bonhomme, par la créature, ça me fait rire. C'est la fameuse méthode de Ed Wood pour faire bouger la créature. C'est que tout l'acteur qui fait tout. Il fait toute la job. tout, c'est tout le temps les acteurs qui font un job, et des fois, c'est qu'ils l'oublient. Il faut qu'ils fassent la job. On a parlé du fameux flashback où on voit la jeunesse du personnage principal. On le voit se faire enlever son frère dans une opération. Ah. La musique et les sons. La musique est vraiment poche, mais tout le long du film, mais là-dedans, dans cette scène-là, m'a marqué la musique de synthétiseur. Puis les effets sonores qui ne fitent pas du tout avec ce qu'on voit à l'image. Tu sais. On dirait qu'ils sont en train de cruncher des Doritos ou je sais pas trop quoi. Là, mais c'est... Oui, c'est sans doute la pire opération. Il y aurait une professionnelle, ça gicle partout. Mais man, écoute, elle dit... il est en train de se débattre, le jeune. Fais-toi-en pas. On fait juste t'amener dans la cuisine. Puis ils ont vraiment transformé la cuisine en bloc, en bloc opératoire. Mais man, que c'est tout croche. Ça n'a pas de petite bon sens. Sérieusement, là, l'opération, c'est la chose la plus... improbable que j'ai jamais vu sur pellicule, ça a juste pas de sens. Comment qu'on puisse survivre à ça? C'est que dans un sens, c'est ce que j'allais dire, c'est le contraire, c'est qu'on pensait le tuer, mais c'était tellement tout croche qu'on l'a laissé en vie. Mais ils ont même pas tué la créature, ils l'ont mis dans un sac vert puis ils l'ont jeté au poubelle, tu sais. C'est ça, mais c'est que c'était tellement tout croche que c'était pas assez un bloc opératoire pour tuer la créature. C'était trop tout croche pour arriver à leur fin. Là, non, mais t'imagines dans un sac en plastique puis dans la poubelle. En tant que tel, c'est triste. Oui, mais c'est ça. Oui, ça c'est le bout de triste quand il sort sa main. Là, puis, mais tu sais, c'est ça, c'est con. J'ai même pas pris le temps de voir s'il y avait encore un pouls ou quelque chose. T'sais. Puis, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ouais, mais tu le tentes où pour savoir si... où le pouls de c'est créature. Ça. Exactement ça. Ben, il y a des petits bras, là, il y a des mains, je sais, il y a des... S'il rentre un doigt dans l'œil, puis... S'il crie, c'est parce qu'il a mal! Arrête, ça fait juste ça. Il crie tout le temps, de toute façon. D'après moi, il crie même quand il est mort. Mais ça, c'est une affaire que je me suis dit aussi. J'ai un moment donné, dans, vers la fin du film, la créature se met à avoir les yeux rouges, puis à devenir méchant. Ça sort de nulle part, cette affaire-là des yeux rouges, puis ça m'a fait, vraiment fait rire. Puis là, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, tu sais, on le voit, Mané, il est à côté du lit, son frère est couché, puis il est sur le bord de se sauver pour aller tuer la blonde de son frère. Puis il est encore dans la chambre, là, il est sur le bord du lit, puis on le voit au complet, puis je me suis dit, hey, ça ferait. Pour un amateur d'horreur, là, ça ferait vraiment un bon réveil matin, ça, sur ta table de chevet, là, avec les yeux rouges, puis le cri quand c'est le temps de te réveiller. Là. Puis il bouge ses bras. Là, pour l'arrêter, tu fais vraiment juste calisser. J'en veux un tout de suite. J'avais de quoi qui ressemblait à ça que ma mère m'avait acheté quand j'étais jeune. Le réveil matin, c'était un puck de hockey. Puis ça venait avec un petit bâton, puis pour l'arrêter, il fallait que tu snaps le puck. Mais tu sais, ça n'a pas été long que j'ai compris que si je pognais le fameux puck d'hockey, puis je le colissais dans le mur, il arrêtait de sonner. Fait que tu mets la même chose avec cette bébête-là, genre, ça se met à crier comme une colisse de débile. Tout ce que t'as à faire, c'est de la lancer dans le mur, puis l'arrêter. Je te jure, man, t'as lancé avec une puissance, là. C'est tellement laid, cette affaire-là, puis c'est tellement dégueulasse comme son, hein. Wow. Hey non, Jeff, encore mieux le réveil matin. Quand il sonne, il sort de son panier, puis pour l'arrêter, faut que tu le remettes dans son panier. Oui, parce que quand il est dans son panier, écoute, il peut plus faire grand chose. Ah ouais, des petits cadenas, tu sais, l'autre, écoute, il a donné un petit coup de pied et il a arraché tout de suite. Écoute, ouais, ça, c'est une affaire. Ça. Le cadenas, là, écoute, c'est gros comme les cadenas pour Fefe, il y a ce journal intime, asti. C'est vraiment le plus cheap des cadenas que tu peux imaginer. Mais la créature est assez forte, asti, pour tenir le gars par les couilles et le lever de terre, là. Come on, là. Ça marche pas. Ah, ça, je pensais oui. Que j'ai de sortir le cadenas. Je pensais pas que c'était pour l'empêcher de sortir, je pensais que c'était juste pour empêcher que les gens ouvrent le... Encore peut-être. Là, la solité du cadenas, tu souffles dessus, puis ça serait ouvert pareil. Là. Parce qu'il arrache même une porte, je sais pas comment il a fait, là, mais il l'arrache vraiment, puis il la balance. Comment est-ce qu'il fait? Il y a aucun muscle en dehors que ce qu'il y a dans son cou. Tu sais, c'est pas un surhumain, là, c'est juste il un frère pousse quand même fort. Une fille. Il pousse quand même une fille dans un tiroir alors qu'il est accroché sur elle. Là. C'est complètement physiquement impossible de pousser quelqu'un quand t'es juste dessus. Ouais, mais attends, là, il y a un peu de surnaturel parce qu'on s'entend qu'il fait de la télépathie. Donc, on sait pas ce qu'il peut faire. Ouais. Il est peut-être grâce à lui, il fait rêver au gars qui court tout nu dans la rue. Ben, là, je m'en venais vers ça. J'ai dit, vas-y, Jean-François, on s'éloigne. Le film est intéressant pour les hommes autant que les femmes. Il y a la nudité dans les deux sexes. T'sais. On voit les boules de la fille. Puis on voit est-ce que l'homme est vraiment intéressant? je capotais. Il est bien poilu. je ne pouvais plus, les gars. T'as réussi à voir quelque chose au travers de cette masse de poils, toi? j'ai fait pause. Ben, t'es motivé. Ben là, chaque petit bout, c'est un petit bout. Chaque petit bout additionné ensemble, ça fait... un petit bout. Puis, ben, c'est ça pour... Cette scène-là, je me disais, hey, là, on est mieux de voir des tatons. Parce que c'est pas vrai. Hey, t'en as eu un. Oh, on oui. a eu, mais même pas le fun, la scène, tu sais. Ben, juste... la scène n'est pas le fun, non, pas tout. C'est weird, hein. Weird. Surtout que, est-ce que c'est moi pendant cette scène de viol-là, les mains, là, c'est pas les mains de la bébite? Au début, non. Ouais. C'est parce que c'est un trip à trois. Non, mais c'est pas, au début, ouais, c'est le rêve qui est fait comme ça. Là, ouais, ce que j'en comprends, c'est que lui, il se voit... Vu qu'il n'y avait pas le budget, j'imagine, de faire bouger, de faire courir la créature dans la rue, ben, ils ont dit que ça va être un rêve ou ce que lui, il se voit à la place de son frère, puis... Mais c'est pas tant un rêve que c'est de la télépathie encore. C'est la créature qui le fait. Fait que lui, il rêve pas, il est juste connecté. Non, c'est ça, mais c'est ça. Mm-hmm. L'image, c'est ça. Lui, il transpose ouais. Il fait son image de lui-même. Ouais. Lui qu'on voit son frère. Puis, ben, quand on voit la fille couchée sur le lit puis elle est morte, ben, elle respire clairement. Là. Oh. Ben, je peux-tu intervenir à ce moment-là? Parce que moi, j'ai pas compris. Parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a comme les mains appuyées sur le lit. Fait que je sais pas avec quoi qu'il a pénètre, mais même si c'est sa main, là, c'est ses mains qui sont autour de son cou. Puis là, quand ils font un plan large, elle est pleine de sang. Elle est pleine de sang aussi, oui. Elle est pleine de sang et de sang. Ah, spoiler, la petite créature, elle a du sexe dans le deuxième. Fait que... Ça explique. Okay. De toute manière, quand il l'étrangle, il est pas encore en train de la violer. C'est par la suite qu'elle viole. Ok, ben, j'étais comme, c'était avec quoi qu'il a fait le sang? Comme... Ben, c'est sans doute parce qu'il y en a un méchant gros que ça a fait saigner la fille. Oh, ben, God. Même, come on. La question, c'est, il était où ce pénis-là quand il était accroché sur son frère? Ouais. Ben, il rentre en dedans, qu'il est excité ce soir. Il y avait une petite graine qui sortait du tour de bras, toi. À tout bout de champ, c'était fatigant. Le gars, il était plus capable de plier son bras parce qu'il avait tout le temps une graine de bandant en dessous du bras. C'était bien glaçant. C'est pour ça qu'il crie de même. Ah! Lui, il n'y a pas de poil. Il n'y a pas de poil d'aisselle. Il y a du poil pubien. Ah! Parce qu'il fait des meurtres à la salle. C'est toi qui crie. Oh, c'est ça, dans le fond, c'est juste un frustré. Juste frustré sexuellement. Oh. Mais dans l'ensemble, là, j'ai vraiment eu du fun. Je dois l'avouer, là, c'est un film charmant parce qu'il est complètement naïf et niaiseux puis incompétent. Mais il est assumé, je pense. Tu trouves-tu? Oui. Le réalisateur, là, tu dis que c'est un fan d'exploitation. Je sais pas à quel point. J'ai pas vu d'interview avec lui. Mais je sais qu'à la fin, le film est dédié à Herschel Gordon Lewis. Fait que je vois que là, il y a une connaissance de ce cinéma-là. Puis, j'ai trouvé sympathique la fille quand même, même si son jeu d'actrice est atroce. Là. Elle a quelque chose, elle a un charme. Ben, elle est cute. Puis, même. Non, continue. Ouais, je l'ai trouvé cute, même si elle porte une perruque. C'est une perruque. Avec cheveux. Non, c'est pas une perruque. Oui, c'est une perruque. Elle avait le crâne rasé lors du tournage. Wesh. Elle fait, OK, ça c'était partie de mes trivia, mais ça, je vais le spoiler tout de suite. À ce moment-là, elle faisait partie d'un groupe punk qui s'appelait les Légumes Tatoués, Tattoo Vegetables. Oh non! Dans le coin de San Francisco. Puis ben, ils ont mis une perruque pour faire le film. Oh, c'est de mieux en mieux. Mais j'en regarderai un peu sur elle, qu'est-ce qu'elle fait maintenant. C'est le seul film qu'elle a fait en passant. Hein? Oui, oui. Elle n'a jamais rien fait d'autre. Ah, son talent. Je reviendrai tantôt là-dessus. Elle a changé de nom puis tout, mais en tout cas. On se demande pas pourquoi. C'est ça. J'ai trouvé ça drôle, le stop motion. Tu sais, moi, en fait, c'est ça. C'est un film vraiment mauvais. Tu sais, les acteurs sont mauvais, mais j'ai aimé ça, le côté crade. J'ai aimé l'hôtel, tout ça. Tu sais, j'aurais voulu me promener dans le mur de l'hôtel, même si c'est affreusement dégueulasse. Là, c'est pas grave. Tu sais, il y a quelque chose de le fun, de charmant dans tout ça. Puis, ben, dans l'ensemble, moi, j'ai eu du fun malgré tout. Ces millions de défauts, c'est pas un film qu'on prend au sérieux du tout. Là. Je peux-tu mentionner deux petits points que j'ai oubliés? Justement, tu m'as fait rappeler, Gia. Ben, c'est parce que ça va revenir. Là. Laisse le tour aux autres. Déjà qu'il ne reste plus grand-chose à dire, gars. OK. Je vais prendre d'ailleurs mon tour. Écoute, moi, j'avais pas grand-chose dans mes notes. À part, tu iras, Steven, hein, après, si on a oublié. Je te promets qu'on va te laisser de la place. Je pense qu'on a déjà fait le tour du film 3 puis 4 fois parce que c'est vraiment, ça peut pas vraiment être plus deep que ce qu'on en parle là. Ce que j'avais dans mes notes, je voulais parler du fucking cri de la bébite. C'est la astique, c'est gossant, c'est laid, ça fait peur, mais c'est vraiment, je sais pas c'est quoi ce cri là, comment est-ce qu'il a tapé ça, d'où est-ce que ça vient, mais sérieusement, c'est atroce, c'est vraiment dégueulasse là, ça fait gricher des dents, ça me donne le goût de tout casser ce qui se trouve autour de moi, c'est vraiment le pire. À part de ça, je voulais qu'on parle de la scène d'opération. Jean-François, t'en as parlé. C'est l'affaire la plus weird ever. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas la logique de ça. C'est... Asti que c'est cave. Come on. La supposée doc, là, que tu vois très bien qu'elle mime dans le vide, là, ses coupures et tout, ça n'a pas de sens. Les splashes de sang tout croche, ses outils, tout... Oh, man. Come on. Ça n'a pas de Christy de bon sens. De ça, de quoi j'avais parlé, les lumières dans les yeux, ouais, t'en as parlé, d'où c'est que ça sort, pourquoi, c'était... Ah, man. La scène des tontons. Non, man, on a vraiment parlé de tout, là, je pense que ça sert à rien de revenir sur tout. La vengeance sur le père, comment vous avez trouvé ça, comment est-ce qu'il se venge de son père? J'avais l'impression d'être dans le moment de rater l'avion. Ben, ce que je trouve le plus con dans l'histoire de vengeance du père, c'est la tante qui revient après, puis tu sais, ah ben la police se sont pas trop posé de questions. Fuck, il avait fait un fucking gros crise de death trap, qui avait tout tapé les outils de la maison, man, puis ils ont planté dedans. Les jambes, ils ont. Ben non, on posera pas trop de questions, on comprend pas ce qui s'est passé. C'est quoi, il y a un fucking voleur qui est rentré là, comme par hasard, qui a fait un tour de la mort, puis qui l'a. Ah, ça fait juste rajouter au. Pas de sens de cette cochonnerie de film-là. Puis la seule affaire, tu sais, quand j'ai donné l'impression d'être comme choqué quand tu disais que la fille était cute, c'est que moi, un des points forts, mais ce qui se démarque le plus de ce film-là, c'est que tout le monde est affreusement laid. C'est horrible. tout le monde est laid et dégueulasse, comme les murs de l'hôtel, tu sais. C'est le genre de monde que, tu sais, dans le métro, tu le touches pas, là, parce que t'as peur de pogner des bébites, non. Tu sais, oui, j'aimerais ça me retrouver, j'en parle souvent dans des films, justement, comme Taxi Driver, comme dans Maniac, le fameux New York, crado dégueu. Oui, je ferais le tour, mais je toucherais à rien, tu sais, j'aurais peur, je suis pas germophobe, mais Chris, quand même. Non, mais c'est ça, moi non plus, j'irais à cet hôtel-là, puis je toucherais à rien, là. C'est clair, il y a des cancers, ces murs, là, on les voit, man. C'est épouvantable. Mais c'est les ça. Les murs sont en phase terminale. C'est des tumeurs. Ouais, tu sais, je voudrais voir une sitcom avec plusieurs des personnages de ce film-là, tu sais. Ah, ouais. Dans quelle année, le film, déjà? 82. Roseanne, mais avec... Cheers, mais dans l'hôtel. Exact, oui. Ah. Je suis sûr que la vieille noire fait encore des pipes à Saint-Pierre dans cet hôtel-là. Oh. C'est le fantôme de la vieille noire. Même si c'est en 82, je suis sûr qu'elle est encore là. Ah, oh, mais c'est dégueulasse. Mais écoute, j'en reviens à la même conclusion que vous autres, par exemple. C'est je sais pas pourquoi, mais j'ai du fun à écouter ça. Puis on n'est pas trompé jamais dans ce film-là, parce que à première minute, à première ligne de dialogue, où ce que tu vois quelqu'un qui regarde la caméra, tu te dis « Oh! » Puis quand je dis « regarde la caméra », je veux pas dire « shooter », je veux dire « regarde dans la lentille, là, tu sais. » Tu viens de tout comprendre, là, tu sais. Tu fais comme « Oh! » Puis après ça, t'as un deuxième comédien qui embarque puis qui fait même ma petite d'affaires. Puis après ça, t'as le troisième qui dit « Oh, lui, il a de l'air à savoir ce qu'il fait. » Puis là, tu te rends compte qu'il lit ses lignes sur un board fucking plus loin hors champ. Fait que tu sais, non, man, t'es jamais trompé. T'es jamais quelqu'un a essayé de te faire à croire que ça se prenait au sérieux, cette histoire-là. Fait que tout de suite, tu sais dans quoi tu t'embarques. Puis, ben écoute, après 5 minutes, là, t'es présenté devant 2 options. Là. Arrête le film ou continue puis enjoy the ride, là, parce que c'est tout. Il n'y a rien à faire avec ça, ça sera jamais bon. Puis, ben c'est le fun au bout. Il y a une affaire qu'on n'a pas parlé encore, c'est la finale, la scène finale. Ah. Qui est d'un ridicule, man, mais fuck. Ah. Quand moi j'aime le figurant qui passe puis qui dit « Hey, ça, t'es-tu OK? » Ah oui, ça va tout de suite. Il y a un autre figurant aussi qui est là juste pour crier un coup qui est... Mais explique-la la scène finale avant de... Ah ouais, c'est vrai, j'avais peur de spoiler, mais dans le fond... Mais en réalité, dans la scène finale, il y a un affrontement entre les deux frères, entre la créature et le frère, et puis en se poussant au travers de la fenêtre, t'as la créature qui tient... c'est quoi? C'est le bord lumineux de l'hôtel? L'escalier de secours. OK, c'est un bout de l'escalier de secours. Ouais. Et qui tient ça d'une main, et de l'autre main, il tient son frère. Et puis finalement, cette abomination est pas assez forte. Ça vient qu'à écraser tout le monde sur le trottoir. Puis c'est là qu'il est le fun, parce que t'as aussi un figurant qui est là pour crier quand il sort de la fenêtre, qui crie le long de la descente et qui recrie rendu à terre sur le trottoir. C'est d'une beauté. Asti que c'est cave, mais c'était donc bien le fun. Sérieusement. Puis contrairement à bien d'autres qui sont aussi caves que ça comme film, j'ai eu du fun à l'écouter tout seul. Ça m'a pas dérangé. Je suis certain que ça ferait un job en party, mais tout seul, je riais comme un cave, là. Puis je pense que ce film-là, je pense que ça pourrait faire le même job pour tout le monde. Je sais pas pourquoi, mais je pense pas qu'on a besoin. C'est sûr que c'est un bon film de gang, mais je pense que ça peut quand même faire le travail. Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'ai écouté tout seul aussi, puis ça a fait le travail. Ben, justement, Vicky, parle-en donc. Je vais te laisser la parole parce que j'ai plus rien d'autre à dire. Ben, d'abord, je veux dire que le film est disponible sur YouTube pour ceux qui l'ont pas vu. Là, fait que moi, je suis allée chercher là. Et aussi, on a beau dire que c'est un « so bad it's good », je pense qu'il faut expliquer c'est quoi un « so bad it's good ». Parce que des mauvais films, il y en a. On en a tous vu, tu sais, des mauvais films où il se passe rien, ou comme tu viens de dire là, à l'instant, ou écoutez ça chez vous quand t'es pas en gang avec une bière, c'est vraiment plate. Mais ouais, c'est pour le... Carnosaure. Ouais. Moi, j'en ai plein. J'ai animé le douteux.org à Sherbrooke pendant longtemps, puis il y en avait vraiment où la salle se vidait parce qu'il se passait vraiment rien. C'était même pas drôle. Tu sais, c'était trop de temps mort. C'est pas le cas avec Basket Case, puis je pense que on le sait tout de suite parce que le problème, c'est ben le problème ou le côté correct en même temps, c'est que c'est pas juste des mauvais effets spéciaux. Ben, juste des mauvais effets spéciaux, tu l'oublies vite, puis à un moment donné, c'est drôle. Tu sais, c'est drôle le voyons, qu'est-ce qu'on disait tantôt, le stop motion. Mais tu l'as vu une fois, deux fois après ça, tu sais, ça, la troisième fois, c'est plus aussi drôle. Mais pourquoi c'est aussi bon, Basket Case, c'est après la scène d'ouverture. Donc, on a le meurtre, on voit tout de suite le mauvais costume avec la grosse main lette qui attaque la personne, puis tu dis, OK, je sais où ce que ça en va niveau effets spéciaux. Maintenant, niveau histoire, de quoi ça va avoir l'air? Puis c'est tout de suite à la scène suivante quand le héros va louer la chambre. OK? On voit que le réalisateur, à cette scène-là, il a jamais fait de plan large. Il a pas fait de plan à trois caméras comme on fait dans un film. Un plan à trois caméras, et après ça, on fait du découpage. On voit qu'il a planté sa caméra devant un acteur. L'acteur a dit ses 10 répliques avec des stops, là, avec des pauses. Après ça, l'autre a mis sa caméra. Il a dit ses 10 répliques. Et après, on est allé en studio de montage faire un champ contre champ avec les répliques. Mais on n'a jamais fait de champ contre champ avec les caméras. Tu me voles exactement ce que je voulais dire. Je peux ça, là, c'est tout le long du film. C'est épouvantable. On disait que les acteurs étaient mauvais, mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont... Oui, ils sont mauvais, effectivement, mais ils ont aussi manqué de préparation. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas eu 3, puis 4, puis 5 takes. Là. C'était une take. À chaque fois, c'était un moment. Là. Tu sais, je veux dire, OK, go, dis ta réplique. J'aimerais louer une chambre. OK, dis ton autre réplique. Wow, c'est beau ici. OK, c'est quoi ton autre réplique? J'ai 50$. Tu sais, c'était hyper, hyper saccadé. Ça manque de fluidité parce que on n'a jamais créé de dialogue entre les personnages parce que chaque personnage ne fait que citer ses répliques. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohésion entre les personnages parce que ils l'ont pas créé sur le plateau et ça paraît. Salbo est un so bad it's good, excuse-moi, mais ça va rester dans la mémoire parce que tu as quand même une substance, tu as quand même quelque chose à t'amuser. Il y a quelque chose que ça ajoute à cette scène-là en plus. T'en parles puis ça me fait gricher des dents. Le réalisateur aussi, pseudo-professionnel peut-il être, il a brisé une des règles les plus de base ever de réalisation. Il a brisé la règle des 180 degrés. C'est hallucinant. C'est que t'as des dialogues et tu t'es pas capable de localiser tes personnages. Non, surtout dans cet hôtel-là, t'as l'impression que les murs sont tellement proches. Ça a juste fucking pas de sens. Écoute, juste la scène où ce que la bonne femme, elle monte les marches avec le gars, là. Il monte les marches, puis quand il arrive proche de la cam fait juste couper, reculer. Puis là, mais là, c'est pas tout. C'est qu'à ce moment-là, ils ont changé de place. La fille est à gauche, elle est rendue à droite. Tu te dis, voyons, c'est la base. Mais c'est ça. La base. Tu sais, ce gars-là avait un storyboard, puis c'est comme un peu trop fier au storyboard, ça. Ben, ça, c'est un storyboard, c'est pas vrai. Il a acheté une BD, puis il s'est dit, je vais faire ce qui est fait dans BD. Puis finalement, c'est une BD de Superman, fait que ça n'a pas marché, puis c'est pour ça que le basket case, le petit monstre, il s'envole un peu partout, puis il est super fort, parce qu'il n'a pas compris que c'était pas Superman. Mais bref. C'était son petit-fils qui avait fait le storyboard. C'était des bonhommes à lunettes, t'sais. Puis, c'est ça, puis t'as vraiment un problème de constance dans la réalisation de ce film-là, ou au contraire, le problème est constant. Vous voyez là comme vous voulez. Mais un problème constant de constance. Exactement. Mais tu sais, je veux dire, alors, comme quand ils vendent la Statue de la Liberté, là, on voit jamais la Statue de la Liberté. Moi, j'étais allée à New York, j'étais allée à cet endroit-là, puis c'est pour ça que j'ai fait « OK, ils sont à statue. Je me reconnais au pied, puis tout, mais on la voit pas, parce que c'était pas essentiel. Mais non. Non, un establishing shot de la statue pour nous montrer comme « Ah, regarde, sur ta statue, c'est cool. » Non, c'est pas nécessaire. Ça. Écoute, ils l'ont expliqué pourquoi. Dans le fond, c'est juste une excuse pour une cheap date. Fait que, come on, là. Même le réalisateur a essayé de nous montrer aussi que c'était juste une excuse. Hey, cheap date qui se finit par le gars qui la pousse contre le mur, qui dit « Va-t'en d'ici! » Puis le lendemain, la fille qui revient le voir, puis « Je sais pas où m'en aller, puis il y avait juste toi que je pensais. » Sérieux, là, après ta première date avec le gars... Je m'excuse, mais quand la créature sort du panier devant elle, puis qu'il y a crise dehors, puis elle a fait tout pour pouvoir rentrer dans la chambre, comment, là, t'as-tu vraiment vu ça? Il la roule dans une couverte! Il la roule dans une couverte, puis il a calisse dehors! C'est drôle! Quelle ancienne! Quand on regarde ça, c'est le film sur la solitude de New York. C'est un film sur les hommes seuls, les New-Yorkais qui vivent leur solitude. Ils sont séparés de la personne qu'ils aimaient. Ben non, mais tu sais, elle, là, on s'entend-tu que si la seule personne en qui elle a confiance, c'est le d'autre qu'elle a rencontré dans un cabinet de médecin, c'est parce qu'elle est vraiment seule. Ouais, oui, vraiment, mais vraiment seule. Il n'y a plus son... C'est ça. Son frère, puis la pute, ben, elle n'a plus de client, puis... C'est un film poignant, là. C'est un film touchant. Fait que c'est ça, puis comme tantôt, je pense que c'est Seb qui a dit que la créature est démoniaque, mais au début, elle l'est pas. Elle est super forte, mais on a l'impression que c'est juste comme la pulsion du moment. Elle est frue, fait qu'elle est full puissante parce qu'elle est pleine de rage. Mais là, à la fin, elle a des yeux rouges. Puis là, tu fais comme, OK, non, finalement, j'ai essayé de lui donner une raison. C'était l'Evil Twin. Ben oui, j'ai essayé de donner un leitmotiv, puis finalement, non. Non, c'est ça, tu sais. Ben, la scène où qu'on les voit, que, justement, qu'il y a le père qui est là, puis qui arrête pas de dire, justement, il en parle que c'est le Evil Twin, puis il sait même pas, c'est pas un twin, c'est une fucking abomination. Puis... Mm-hmm. C'est mais tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que, tu sais, tout le long, le personnage principal, Dwayne, lui, tout ce qu'il veut, c'est se venger des médecins qui les ont séparés parce qu'il aime vraiment son frère. Puis pendant ce temps-là, son frère, tout ce qu'il veut, c'est tuer sa blonde, tu sais. Ben oui, mais c'est parce qu'il est jaloux. Ouais, c'est ça, Steven. Mais pas depuis le début. Non, c'est vraiment plus vers la fin quand il se rend compte que Dwayne se fait une copine. Puis il fait non, on n'est pas ici pour que tu te fasses une copine. On est ici pour se venger. Fait que c'est comme, il y a de la jalousie, mais il y a aussi la frustration qui perd l'objectif. Oui, mais on a l'impression qu'il y a peur de on est allé le plus deep que le film pouvait aller. Mais le film dit que c'est pas la première fois que ça arrive, dans la mesure où, quand, quand il se cède ce fameux rendez-vous au pied de la Statue de la Liberté, là, il s'en va déposer le panier plus loin, puis il revient, puis il chuchote, là, justement, pour pas que le panier entende. Là. Fait que, tu sais, on suppose qu'il veut pas que, justement, son frère entende pour pas qu'il tape une crise de jalousie, soit qu'il est déjà arrivé par le passé, ou que, ben, il sait très bien comment il pense. Il lit quand même dans sa tête. Là. Après le mur a des oreilles, le panier a des oreilles. Et voilà. Oh là là. Ben, en gros, as-tu aimé ça, Basket Case? Hey! Oh, panay! Oui, quoi, ouais, non, hein? J'ai demandé. C'est à toi qu'on parlait, Sam. C'est ton shameless. Non, mais là, c'est à toi qui demandais, Vicky. C'est ça. Ben oui, c'était à toi. Moi, je pensais qu'il parlait à Sam, fait que j'attendais sa réponse. Non, c'est ça à toi. Moi, je trouve ça bien correct. Là, c'est un film, comme je dis, si je dis qu'il est sur YouTube, c'est parce que je le recommande. Je pense que tu peux vraiment t'amuser avec ce film-là. Je sais pas si je serais aussi courageuse que JF et aller vers les suites, par exemple. Ouh. Ouais, on va en reparler, ça, d'ailleurs. Sébastien, on est rendu à toi. Chris, on a déjà raconté le film. En long non, mais en écoute, non, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a juste vraiment plus rien à dire. Ben, écoute, ta shameless, tu as découvert Basket Case. Au moins, raconte-moi ton expérience. Écoute, ben c'est tellement bon. C'est la deuxième fois que je l'écoutais parce que la chaîne, ça fait longtemps qu'on est supposé de la faire. Fait que je l'avais écouté pendant les 31 jours d'horreur, imagine. Ça fait depuis le mois d'octobre que je l'ai vu. Et je me le suis retapé hier. Et quel plaisir de retomber dans ce film-là. Mais en même temps, quel pas de plaisir de retomber dans le flashback, par exemple. Ça me tue. Le flashback-là me tue. Là, parce que, tu sais, tous les personnages qu'on aime... T'sais, comme ben oui qu'on aime là, t'sais, le personnage principal, mais en tout cas les acteurs, Dwayne, la bébite, sa blonde, la pute, le tenancier de l'auberge, t'sais, pendant 20 minutes on les perd toutes. Oui, c'est encore la bébite, la bébite mais la bébite, écoute, elle est plate là, t'sais, elle crie pas, puis il n'y a pas de panier, fait que je la reconnaissais pas vraiment, t'sais, c'était pas la bébite que j'avais appris à aimer. Et non, mais sérieusement, cette 20 minutes-là me tue, puis après ça, j'ai de la misère à revenir avec autant de plaisir. C'est juste ça. Parce que sinon, on a si manac que c'est le fun de ce film-là. Là. Ça, là, c'est du vrai So Bad It's Good. Là, parce que fait avec de l'amour, c'est fait avec la passion. Tu sais, puis c'est bizarre. Je sens pas, par exemple, je sens pas le plaisir dans ce film-là. Je sens le sérieux, puis le tu sais, là. On fait quelque chose, c'est hop. Et je voudrais quand même mentionner les deux jumelles rousses infirmières. et cette scène de la vétérinaire, c'est ça? Ouais, oui. La vétérinaire qui vient de se faire mettre la face dans le tiroir de scalpel et d'aiguille et tout ça. Et avec sa face de j'ai des trucs plantés partout, là. C'est une version cheap de Pinhead, genre. C'est sans doute le cri le plus théâtral et faite pour la caméra au monde. Ça l'arrête plus, c'est une minute non-stop. Ouais, mais c'est, comme tu dis, Seb, elle a crié juste quand la caméra est tournée sur elle. Oui, c'est ça. Si tu n'entends pas, puis là, tout d'un coup, la caméra tourne, go! Ça, c'est exactement le même call que... Excuse-moi, Vicky. Le même call que dans le premier Sleepaway Camp, le cuisinier qui se fait mettre le chaudron d'huile chaude dans la face. Là, le même fucking call, c'est la même scène, je te jure. Tu peux y aller, Vicky, qu'est-ce que tu allais dire? Ah non, j'allais dire, effectivement, c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est qu'ils attendent toutes que la caméra... On dirait que la caméra, elle a une lumière, là, puis attendent que la lumière, elle flash pour dire, OK, la caméra est chaude, tu peux y aller. Parce qu'il y a un délai, il y a quand même un délai d'une à deux secondes, tu sais. Mais sais, c'est oui, puis c'est pas pour rien que la fille, tantôt on parlait que la fille secrétaire, elle l'envoie promener comme ça, pas de bon sens, quand elle dit t'as pas tout vu ça, t'as pas tout vu ça, puis là, il parle en fâché, puis là, elle fait ben, ça me ferait plaisir de te faire visiter. Quoi? C'est quoi ça? Man, okay. Ils ont dû changer les intentions entre. Ils ont dû changer les intentions entre les. Quand ils ont filmé la fille, puis après, non, ils ont filmé le gars. C'était la semaine d'après, puis elle se rappelait plus ce qu'elle avait. Ouais, fait. C'est ça. Une chance que t'as habillé pareil. Les cheveux, ben, ils changeraient pas, c'est une perruque. Fait. Ouais. Steven, est-ce qu'on a passé au travers de qu'est-ce que tu voulais mentionner tantôt? Seb, oui, il y en a pensé un, la fille qui crée avec les scalpels d'en face. Puis l'autre point que moi je trouve intéressant, si ça aurait été une meilleure équipe, plus professionnelle, puis un film de meilleure qualité, l'aspect que j'aimais bien du film, c'est le fait qu'il communique avec son frère par pensée, fait qu'on n'entend jamais les dialogues, mais tu vois qu'il communique pareil avec lui. Je trouvais ça intéressant, mais c'est juste dommage que ça leur saute de même dans ce genre de contexte-là, parce que c'est juste ridicule au bout du compte, mais j'aimais bien cet aspect-là, même si ça fonctionne plus ou moins. Ah, puis ça, j'aimais ça, tu sais, cette idée-là de lui qui parle avec cette motte de latex, là. Puis que, tu sais, tu te dis, cet acteur-là, il avait quand même comme instruction de bon, il parle, dis tes répliques à la motte de latex, là. Tu sais, puis je veux te dire, au moins les gros plans là, de la motte de latex, là, ça aurait pu être un masque. Dans la face d'un acteur, tu sais. Ben, par moments, j'y ai cru. Oh. Tu regarderas 30 secondes, puis tu n'y croiras plus. Ben, dans le fond, le gars derrière la caméra, il sortait des panneaux avec les dialogues, puis l'autre, il répondait par la suite. C'était ça, son truc. Il y a une scène que personne n'a parlé, puis... La scène de la toilette? Non. Ah, oh, Chris, man, c'est vrai. Est-ce qu'il pissait ou se cachait? Je sais pas par où que ça peut venir. Puis ça, ça ben écoute, rentrer. Par son pénis caché. Ah, c'est vrai. Mais non, je parlais de le fight de, oh. De notre principal protagoniste avec le panier en montant les marches. Oh, man! Ah, man, j'ai... Wow, que c'était... Tu sais, quand tu veux pas avoir de l'air louche, là... Tu traînes ton panier partout, qu'est-ce hein? qu'il y a dans le panier? Du linge? Mais c'est vrai que la scène de la toilette aussi, c'était quelque chose. Quand tu vois cette monstruosité qui sort de la balle en faisant une face de comme... Ah, c'était atroce. Oh, hey, on a-tu fini de parler de la cochonnerie? on y va-tu avec nos recommandations avant de demander voir à notre ami Jean-François s'il n'y aurait pas des trivia? Oui, j'ai des trivia, mais on va aller avec les recommandations. Je vais commencer par toi, Seb. C'est toi l'invité d'honneur ce soir. Ben écoute, moi, je cherche à l'instant même combien il coûte sur Amazon. Oui, sur Amazon, c'est une vingtaine de dollars, 25, je pense. Ah oh, non, même pas. Le Blu-ray, là, non? Ah oui, ben là, peut-être le Blu-ray. Là. Mais, le si Blu-ray on regarde de Something Weird, il est à 25$, je pense. J'ai vu ça aujourd'hui, je pense. Mais le DVD que j'ai, qui fait très bien la job, là, avec plein de bonus dessus, là, qui en a vraiment une shitload, là. Il est même pas à 12$, puis on peut l'avoir dans le used sur Amazon à 6,50$. Donc, go, achetez-le, puis vous allez vouloir le revoir, montrer des passes à vos chums, puis ça va à peine. Vicky. Ah, ben moi, c'est un YouTube. Il est là. Moi, je vais y aller pour un. Seb, tu disais, use à 6$. Ouais, OK. Pas plus que ça. Pas plus que 6$ pour ça. Parce que c'est mauvais. C'est super le fun, mais... tu sais, un coup que tu l'as vu, là, j'ai de la misère à imaginer une occasion comme... Je filerais pour écouter Basket Case. Je la vois pas, cette occasion-là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'irais pour un... Moi, c'est ça, le 6$, là, de l'acheter use, là, probablement, ça se trouve facilement sur eBay. Sinon, YouTube, c'est une très bonne alternative. Jean-François? ben, c'est ça. Checkez sur YouTube si vous aimez le genre. Puis, mais moi je conseillerais l'achat. Si vous êtes un fan, si vous cherchez, vous avez toujours voulu trouver un film qui combine le gore de qui est un hommage à Herschel Gordon Lewis, puis qui est une sorte de croisement entre Jumeaux de Ivan Reitman puis Yogi l'ours. Ben, c'est exactement ça, c'est Basket Case. Oh non, Yogi l'ours à cause du panier, sérieux. Il y a quelques bonnes scènes de gore, mais il n'y en a pas beaucoup. Je pense que le meilleur, c'est le make-up là, de Louis de Funès. Là. Lui, sérieusement, mais c'était vraiment cool. Les scènes de gore, c'est quand même, je te graphique la face. Oh, oui, mais je veux dire, c'est super poche comme film, mais moi, j'ai aimé ça. Fait que moi, je conseille un achat. Mais c'est parce que l'opération, il y avait tellement d'opportunités de nous faire justement un hommage à Herschel Gordon Lewis avec cette opération-là. On a eu du son en temps. Ouais. Steven, ta recommandation? Moi, je dirais qu'un achat parce que j'ai acheté mon Blu-ray au HMV pour 11$. Puis, je veux dire, il y a quand même pas mal de bonus, comme disait Seb. Puis, il y a un nouveau transfert HD. Quoique ça donne pas grand-chose pour un film de même, mais la qualité d'image est quand même surprenante depuis que je l'avais vu en VHS. Un Blu-ray à 11$, ça, c'est un bon deal. Ça, je suis même d'accord. Ça excellent, ça. Jean-François. Oui. Moi, je pars ton jingle, Drella, puis on écoute ça. Donc, mes trivia pour Frères de sang. L'équipe du tournage était tellement petite que la plupart des crédits à la fin dans le générique sont faux. Ils ont rajouté des noms parce qu'il n'y avait pas assez de monde puis il y avait peur que ça se pète et que ça soit poche. Fait que... C'est bon. Moi, je pense qu'il devait être pas plus que 4, genre. Quelque chose comme ça. Mais on a compris qu'anyway, les crédits, c'était à la fin du film. Fait qu'on aurait déjà constaté que c'était poche avant de se rendre là. Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu vois un nom à côté de deuxième assistant directeur à la production, tu sais que de un, il n'y a rien fait. De deux, il n'existait même pas, là. Moi, ça me fait penser à El Mariachi de Robert Rodriguez, parce qu'il y a genre juste Robert Rodriguez puis son acteur principal qui ont travaillé sur le film, fait que t'as les deux noms qui se répètent tout le long du générique à la fin, dans toutes les positions. Puis là, je vous lis les trivia d'IMDB parce que je fais un peu mon paresseux, mais ils sont intéressants. Le distributeur du film, la compagnie qui distribuait, voulait distribuer le film comme une comédie, fait qu'ils ont enlevé au départ toutes les scènes gore du film puis ils ont vendu ça comme une comédie. Plus tard, après ça, ça a été relancé, le film, avec les scènes gore réinstaurées, puis on appelait ça « The Full Uncut Version ». Mais ça aurait pu marcher, hein? C'est ça qui est le pire. Ouais, ouais. J'imagine que c'est très, très, très pas compliqué de recoter ça puis d'en faire une comédie. Et je me demande c'était quoi... Je sais pas c'était quoi la volonté du réalisateur au départ. C'était-tu vouloir faire un film comique ou sérieux? Tu sais, Seb, il disait que c'est fait sérieux, fait que c'est ça, je sais pas, tu sais... Je suis pas sûr que même le réalisateur le savait. Non. Ça dépendait du jour. Au début du film, on voit l'acteur principal, le personnage, qui paye pour son entrée dans l'hôtel avec une grosse liasse d'argent dans les mains. Puis c'est tout des 50$. Puis apparemment que cette liasse d'argent-là, c'était le budget complet du film. Oh man! Oh, c'est épique! Wow! L'hôtel... oui, vas-y, excuse-moi. J'espère qu'il a redonné le change. L'hôtel qu'on voit dans le film, il n'existe pas, en fait. Comme j'ai dit, le lobby, au début, c'est juste un ascenseur de service. Puis tout le reste, ben, ça a été pris dans différents buildings. Souvent, c'était des maisons d'amis du réalisateur, des trucs comme ça. Fait que c'est tout éparpillé un peu partout. La fin du film, quand on voit le personnage principal courir nu, on était supposé voir son frère dans les rues, mais il n'y avait pas le budget ni le temps de faire du stop motion pour ça, fait qu'ils ont décidé de, genre une journée avant le tournage, de décider de faire courir Dwayne à la place. T'sais. Puis ça, ben, ils ont vraiment fait ça à la manière guerrilla style. Là, ils n'ont pas averti la ville du tout. Ils s'organisaient qu'il n'y avait pas... Ils essayaient de trouver des coins de rue qui n'avaient pas de trafic, rien. Ils enlevaient tout ce qui pouvait blesser l'acteur, tu sais, parce qu'il était nu-pied. Puis là, ben, il faisait courir d'un coin de rue à l'autre. Puis là, il faisait rentrer dans une vanne. Puis là, il allait voir un autre coin de rue. Puis il faisait courir encore jusqu'au temps qu'il y ait les shots qu'il voulait. Là, tu sais. Hey, c'est chien pour un acteur. Là. Tu sais, tu y penses qu'il n'a pas été engagé. Tu ne savais pas ça quand il était engagé. Là. Il n'a pas été engagé pendu nu. Puis là, ouais, finalement, tu vas être tout nu toi, aujourd'hui. Mais ouais, en fait, c'est lui qui a donné l'idée. Quand ils ont décidé de faire la scène, justement, qui est comme un rêve, entre guillemets, ben c'est ça, lui, il aimait ça l'idée, fait qu'il a embarqué tout de suite. Il me semble qu'on serait dû pour me voir la graine. Ouais, qui n'aimerait pas ça être payé pour courir tout nu dans les rues de New York? Je vais avoir plein de bons rôles après ça, tu sais. Ben, faire du nu, ça se start une carrière. La première chose, j'aurais changé mon nom à sa place, tu sais. On ne pourrait pas le prononcer. Ouais. Changer la coupe de cheveux. Chat sur Bob. Ça a l'air que durant la scène du viol à la fin, certains membres de l'équipe, qui étaient à peu près 3 ou 4, je pense, se sont offensés puis sont partis du plateau. Puis j'ai aucune idée de pourquoi. Là, c'est juste marqué ça sur IMDB, mais ça a l'air que l'équipe, c'est comme crisser son camp. Là. parce que ça les dérangeait beaucoup. Pour ceux qui fait noir, ils ont perdu un éclairagiste. Ils ont fait comme « fuck it, je pars ». En plus, tu sais, le gars, il est parti avec ses lumières. Fait qu'il a fait comme « fuck ton film ». La scène du bar a été tournée dans un bar de Manhattan qui était un bar sadomaso. Qui s'appelait le Hellfire Club. C'est ça. Puis ça a servi aussi pour les scènes du sous-sol de la maison des Bradley quand on voit le père mourir. Puis la grosse scie qu'on voit là, qui coupe le père, ben ça, c'était quelque chose qui était accroché dans le bar. Puis un jour, ils se l'ont fait voler. Puis depuis ce temps-là, ben, ils l'ont pu, évidemment. Sinon, ça avait... Ah oui, c'est ça. Ben, je voulais parler de l'actrice Terry Susan Smith. C'est son seul film, comme on a dit tantôt. Elle a changé de nom pas longtemps après, je pense. Maintenant, ça s'appelle Ahu Smith, A-H-U. Ahu. Ahu. Ahu, je sais pas. Elle s'appelle Ahu Smith. Puis, elle est rendue un peu New Age, un peu bizarre. Elle fait des. Elle design des bols, ce qu'il appelle en anglais des bowls of empowerment. Oh, j'arrive pas à trouver le bon mot en français pour du empowerment. Google me donne un mot qui ressemble à un mot inventé par Perceval dans Kaamelott. Ça s'appelle autonomisation. Mais c'est pas ça. Perceval dans Kaamelott, wow. 50 morceaux de robots pour la référence. Chevalierisation, ça. Ben oui, c'est tellement bon. C'est parce que je t'entends d'écouter ça, c'est en site. Ouais, j'ai remarqué, t'as fait une très belle photo d'ailleurs qu'on devrait publier sur Facebook avec. Oh man, oui. C'est épique. C'est épique cette photo-là, chers auditeurs. Vous allez voir ça, c'est malade. Oui, c'est vraiment. Je pense que Seb et Vicky l'ont pas vu. Seb l'a vu. Non, moi je l'ai pas vu. Je t'envoie ça sera pas trop long. Okay. Fait que, c'est ça. Non, elle fait des bols d'empowerment. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Là. C'est pas tellement. C'est à peu près l'équivalent du collier de noisettier, je pense. C'est à peu près l'équivalent de basket case. Ouais, ouais. Puis apparemment qu'elle avait un site, là, ausmith.com, mais il marche plus. Puis je sais pas, elle est dure à trouver, j'arrive pas à trouver de photo d'elle. Fait que elle a comme disparu un peu de la circulation, elle est devenue bizarre. Puis, Je vois une vieille madame. Sur Facebook? Non, sur odysseystorytelling.com et ça dit « Ahu Smith est une mère, une maître Reiki, une gypsy, une sound channel, catalyst. » Ça doit être elle. Ça doit être elle. Mais oui. La photo est genre 200 pixels par 100, là, fait que je vois rien. Il y a un compte Facebook avec pour Ahu Smith, puis un compte personnel, puis il y a des photos un peu psychédéliques là, d'elle, puis je suis pas sûr si c'est elle, mais ça pourrait, là, ça y ressemble, je trouve. J'essaie de l'imaginer 30 ans plus tard, puis je pense que ça pourrait être elle. Oh, que ça ressemble. Oh, que ça y ressemble. Oh, que ça ressemble à ça. Oui, hein? Oui. Bon. Fait que, c'est pas mal ça. J'avais-tu d'autres choses? Non, c'est ça. C'est ça pour mes trivia. C'est drôle, hein, quand il va voir le deuxième médecin puis qu'il donne un faux nom. Pourquoi dans tous les films, le faux nom le plus populaire, c'est Smith? C'est tout le temps Smith, Monsieur Smith. Parce que le Smith, c'est le nom de famille le plus populaire, le plus... Ouais, quand tu veux être anonyme ou quelque chose... Là. John Smith, ça fonctionne. John Doe puis John Smith, c'est pas mal les top. Ouais. Ceci dit, merci beaucoup Jean-François pour tes trivia. On va y aller en musique avec de quoi de fucking pas original, mais de tellement bon. Un flashback à nos bonnes vieilles amies. Nos bonnes vieilles années 80. En référence avec le film qu'on va parler prochainement, on va aller écouter Rockwell et Somebody's Watching Me et on vous revient tout de suite après. Price. All I want is to be loved. on va parler de Peeping Tom, film culte s'il en est un, parce que Peeping Tom, c'est un essentiel dans le genre suspense. C'est l'histoire de Mark, qui... Mark, là, on va y aller en anglais, ça reste un film anglophone. Mark, c'est l'histoire de Mark, traumatisé à l'enfance par son père qui le filmait en tout temps, de jour comme de nuit, qui essayait même de traumatiser ses rêves pour voir son fils faire des cauchemars. Là, il est rendu dans le monde adulte et il suit, sa vie n'est que caméra, sa vie n'est que film, sa vie n'est que photo. Et on suit donc son histoire à lui au travers d'une période de temps où il explore justement la puissance de la caméra, la puissance de l'image. Peeping Tom, c'est un cas d'école, un film où la forme et le fond se recoupent, un film qui est souvent étudié dans les universités justement pour nous dire à quel point un film peut être structuré, que le scénario va venir pimenter la manière de filmer et vice-versa, donc quand l'un appuie l'autre. Et c'est pas mal ça pour le résumé de Peeping Tom. Merci beaucoup. Jean-François, ton histoire avec Peeping Tom, je pense que tu l'avais écouté la première fois qu'on avait parlé de faire ce fameux show-là. Exact. C'était ta première fois. Ouais. Moi, tout ce que je connaissais du film, pas grand-chose en fait. Je connaissais un film du réalisateur Michael Powell, c'était The Red Shoes. J'en avais parlé dans mon autre podcast, le podcast à quoi je fais avec Steven, Le bras de fer des films. The Red Shoes, je suis un fan fini de ce film-là, qui est pour moi un des films les plus parfaits de l'histoire du cinéma britannique et de toutes les nationalités. Et ben, je savais que Peeping Tom était un classique, mais je ne l'avais jamais vu. Et donc, j'ai découvert ça avec beaucoup de bonheur. Et donc, ben, comme vous avez pu entendre dans le résumé, cher auditeur, Peeping Tom, c'est un peu comme Basket Case, mais au lieu du panier, il y a une caméra tout le temps sur lui. Fait que... Qu'est-ce qu'il y a dans ta caméra? Puis tu sais, à l'époque, hein, c'est pas tout à fait une GoPro. Hein, fait que quand il l'a tout le temps attaché autour du cou, je me dis, yé, tabarnak, ça prend... La première chose, tu sais, à part, ben, le film commence sur un gros plan d'un œil, mais après ça, ce qu'on voit, c'est la caméra, tu sais. Puis il la cache dans sa... On comprend qu'il la cache dans son manteau. Puis tu sais, moi, je me dis... la première réflexion que je me suis faite, il y aurait du fun avec l'iPhone à cette heure. Ça serait tellement moins compliqué, là. Sauf que t'as pas besoin d'un trépied, puis couteau, puis tout. Ah... Puis là, on voit du point de vue de la caméra, il s'approche d'une femme dans la rue, tu sais, quelque part. Puis c'est le soir. Puis c'est une prostituée, de toute évidence. Puis là, elle commence à y parler, mais elle regarde direct dans la caméra. Mais il faut pas oublier que la caméra est à hauteur de son ventre, à peu près, tu sais. Fait que ça, tout de suite, tu t'es comme, ça marche pas. Puis plus la caméra s'approche de l'endroit d'où la femme se trouve, elle est comme à côté d'un mur, on voit sur le mur l'ombre de la vraie caméra qui tourne le film. On voit l'ombre d'un homme, puis une petite grosse caméra, là, puis en tout cas. Ça, au début, ça m'a comme rendu nerveux. J'ai fait, oh boy, ça commence avec des erreurs, là, tu sais. Mais tout de suite, ça commence, ben, c'est ça, le film, la scène s'enchaîne et ça devient une scène de meurtre parce qu'ils vont aller dans une chambre et ils vont finir par la tuer. Et ce qu'on remarque aussi dès le départ, c'est l'utilisation des couleurs. Et je remarque tout le long du film une grande utilisation des couleurs primaires, beaucoup de rouge, beaucoup de bleu, des fois du vert, c'est pas une couleur primaire, mais du vert. Je comprends. Je connais pas tout à fait la symbolique des couleurs, mais je sais qu'elles sont très présentes. Puis c'est aussi très présent dans les autres films de Michael Powell que j'en ai vu d'autres, mais depuis le temps. Et mais c'est ça. C'est un film extrêmement léché au niveau visuel et extrêmement bien écrit. C'est intelligent. C'est un film que tu peux analyser d'un fond en comble du début à la fin. Tu pourrais écrire un travail de 20 ou 30 pages là-dessus, puis pas manquer de matériel, puis pas te répéter pantoute dans ton travail. Tu sais, il y a tellement des trucs à analyser là-dedans. Le jeu des acteurs, moi, je l'adore. L'acteur principal, son visage me disait de quoi, puis il a fallu que j'aille voir après le film sur IMDb pour savoir aussi que je l'avais vu, puis c'était dans quelque chose de totalement différent. C'était dans la trilogie des Sissi, dans les années 50. C'est lui qui faisait son mari, qui faisait Franz, le roi. Puis. Méconnaissable. Puis, ben, on a aussi dans le film, dans un petit rôle au milieu du film, le personnage s'appelle Viviane, l'actrice s'appelle Moira Shearer, c'est l'actrice principale de The Red Shoes. Ce que j'ai trouvé très intéressant de la revoir là, puis elle fait un petit peu de danse comme elle fait dans The Red Shoes, puis c'est un beau petit, pas un caméo, mais une belle petite apparition. elle va être une des victimes du personnage. Puis, puis on a aussi l'actrice qui fait la fille qui va tomber amoureuse de Mark. Je la connais pas. C'est peut-être elle que j'aime le moins dans le film, mais en tant qu'actrice, là, mais sinon, j'aime beaucoup leur dynamique entre eux, puis tu sais, comment est-ce qu'elle est pas vraiment gênée avec lui, puis lui il est tout timide, puis j'aime les dynamiques entre les personnages. T'sais, j'aime là aussi la mère de cette fille-là qui est aveugle, qui est probablement la femme qui voit le plus clairement dans le jeu de Mark dans tout le film, tu sais, puis pourtant elle est pas capable de le voir, évidemment. Excusez. Il y a tellement de trucs intéressants. J'aime les dialogues. T'sais. J'aime justement la mère aveugle, à un moment donné, elle va dire à sa fille. Sa fille a dit, tu sais. Comment est-ce qu'elle dit ça? La mère a dit, Marc est dans son appartement, dit, je l'entends marcher. Puis elle dit, j'aime pas ça un homme. I don't trust a man who walks quietly. T'sais, je trust pas un homme qui marche tranquillement. Puis là, sa fille répond, ben, il est juste timide. Elle dit non, elle dit, ses pas sont pas timides, ses pas sont stealthy, sont sournois, tu sais. Puis, c'est ça, il y a tout un des dialogues comme ça qui sont vraiment intéressants. Puis là, je m'éparpille un peu, mais c'est ça, en gros, c'est vraiment un film fascinant. J'adore le ton, le rythme posé tout le long du film. J'adore un petit peu d'humour de temps en temps. Surtout que l'humour vient de la police parce qu'il commence à avoir une enquête maintenant avec les corps qui s'accumulent. Fait que... puis, mais ça, c'est en gros, moi, c'est un film qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plu. Puis que je recommande de voir plusieurs fois parce que là, ça fait deux fois que je le vois. Puis je vais le revoir certainement plusieurs fois parce qu'il y a tellement des trucs à découvrir à chaque visionnement. Puis. Ça m'a juste fait tomber d'amour avec ce réalisateur-là, dont j'ai vu quasiment toute la plupart des films dans les deux, trois derniers mois. Là, pis, et c'est vraiment un film majeur, je trouve. Ouais. Avec qui c'est dur de suivre ça. Sébastien. Ouais. As-tu de quoi? Bon, écoute, c'était ta Shameless, donc tu ne l'avais jamais vu. Tu n'avais beaucoup entendu parler. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben moi, ce film-là, je l'avais entendu parler tellement bien, je m'étais fait louanger ce film-là, et j'avais vraiment hâte de le voir parce que je sentais que ce film-là allait me plaire, je sentais pour les images que j'avais eues que l'esthétique allait me plaire, que le thème, tout ça, et je pense sincèrement que j'avais mis mes attentes trop hautes. J'ai été laissé un peu sur ma faim, et je pense que c'est de ma faute, parce que tout le long du film, j'ai senti son potentiel, j'ai senti à quel point... Écoutez, le film a commencé, puis le premier plan du film, j'ai lâché un « wow », tu sais, tout seul dans mon salon, tellement que je trouvais que, visuellement, le film était écœurant. J'ai aimé les acteurs, j'ai aimé les sous-textes, même si je pense que ça va me prendre une deuxième écoute pour, là, avoir la tête libre de l'intrigue et juste... me concentrer là-dessus. Le film n'a pas tenu mon attention, je pense. Tu parlais du rythme soutenu, Jean-François. Puis oui. je sais pas, le rythme soutenu m'a pas fait le même effet qu'à toi. Le rythme, moi, c'était comme un rythme que je me disais, oh mon Dieu, mais les scènes traînent de la patte, Dans mes notes, j'ai écrit rythme posé. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai utilisé comme mot tantôt, mais... Tu as dit posé. Okay. Mais oui, c'est ça, posé. Mais moi, c'est ça. Je ne sais pas, c'était trop posé. J'ai pas aimé les personnages de la mère. Le fait que ce soit une aveugle dans le noir, mais qu'elle cherche tout avec ses mains, mais que tout d'un coup, quand elle tombe à la lumière, elle fait juste utiliser sa canne, puis tout est bien beau. Même si elle dit « je viens dans ta chambre tous les soirs », mais là, tout d'un coup, tu sais, elle s'y retrouve pas. Puis, non, mais c'est des erreurs. Pas physiquement. Tu sais, ce qu'elle veut dire, c'est parce qu'elle l'entend. Tu sais, elle comprend la. C'est fait une map mentale de la chambre. Ouais, je comprends. Mais tu vois, c'est ça. Je pense que, sincèrement, le film, il va falloir que je le revoie. Il va falloir que je le revoie parce qu'après m'avoir fait mes attentes, après avoir scrappé mes attentes, maintenant, je sais que c'est le film. Puis, c'est pas la première fois que ça arrive, là, que j'écoute un film, puis que je me dis, oups, là, j'étais pas parti sur la bonne track. Je vais le recommencer un jour, puis je vais l'apprécier pour ce qui est. Mais honnêtement, j'ai pas été capable d'apprécier ce film-là à sa juste valeur. Je pense que j'avais la tête qui partait de tous les bords. Autant j'essayais de suivre l'intrigue que je voulais voir le second sens, que j'essayais d'apprécier tout. Puis finalement, je me suis juste ramassé à écouter un film sans trop savoir qu'est-ce que j'étais en train de faire. Ça, non, ce film-là m'a perdu. Puis je trouve ça plate. Je suis comme déçu. Parce que vraiment, entre Basket Case et lui, je pensais vraiment que ça allait être lui qui allait être ma révélation. Et tu sais, en bout de ligne, je repars plus satisfait de mon écoute de Basket Case après la première écoute. Ouf. Ouais. Ouais, ça, c'est... ouais, c'est mais oui, c'est fou, hein, c'est fou. Je pensais... Mais écoute, je le dis et je... C'est honnête. Moi, je respecte ça. Oh oui, c'est correct. Mais en même temps, tu l'as dit, ça. Tu l'as dit, Sébastien, je pense que maintenant que tu sais à quoi t'attendre, je pense qu'un revisionnement va juste... ouais, clairement. Ouais, carrément, parce que, tu sais, c'est pas une première écoute, ce que j'ai fait. Quel film de marde. Mais non, j'espère. C'est vraiment pas ça que je me suis dit. Je voyais tout le potentiel, mais j'étais comme pas capable de l'apprécier. Il va vraiment falloir que je redonne une autre écoute, puis un jour, je vais vous dire à quel point que j'ai aimé ce film. Mais ce sera pas aujourd'hui, malheureusement. Excellent. Hey, je vais y aller à partir de là, parce que là, ça prend quelqu'un pour remonter ça, ce film-là. Moi, j'ai une drôle d'histoire avec... J'ai pas détruit. Non. J'ai une drôle d'histoire avec Peeping Tom, en réalité, c'est que... Ben jeune, au club vidéo près de chez moi, il y avait une espèce de bonhomme, je m'en disais creepy, mais c'est pas le mot, là. Une espèce de bonhomme mi-quarantaine qui voulait tellement que nous autres, les jeunes, on le trouve cool. T'sais, on faisait du skateboard, puis il nous montrait que lui, dans son temps, il en faisait, puis en nous faisant des démonstrations, il s'est cassé la gueule solide. Pis on choisissait des films, puis il voulait tellement qu'on le trouve cool. Puis à un moment donné, c'était un bonhomme-là, il me suggère, tu sais, il dit, moi, écoute, j'étais déjà un fan fini de films d'horreur, puis il savait, là, je ne louais que ça. Il dit, tu sais, gars, les films d'horreur sont pas nés dans les années 80, puis il dit, faudrait que tu voyes ça. Puis il me tend Peeping Tom. Mais tu sais, moi, j'ai 12 ou 13 ans, OK, puis je m'en vais me faire une veillée de films d'horreur avec des amis. Fait qu'on a probablement dans l'eau, là, puis je dis ça... complètement de façon aléatoire, là, je me souviens pas. Là. Mais tu sais, j'ai probablement dans le lot des Friday the 13th, des Nightmare on Elm Street, j'ai probablement un Halloween ou deux. Puis, Peeping Tom. Fait que rendu à ça, start ça, on se rend compte que ça date des années 60. Non, ça a pas passé. Mais ça a vraiment, vraiment pas passé. Sauf que dans le peut-être les 10 minutes qu'on a écouté Moot Me Jam, moi j'ai fait comme. Écoute, c'est moi qui l'ai payé ce film-là, je le ramène chez nous, puis tout seul, je vais le réécouter. Et. Je pense que ce film-là a changé ma vie. Du moins, il est probablement responsable du pourquoi je suis devenu cinéphile, je dirais. Parce que j'ai découvert Peeping Tom avant même de connaître les rudiments d'Alfred Hitchcock. Puis, je veux dire, c'est ce qui m'a amené vers le cinéma plus grand que les slasher caves des années 80. Et puis, ça m'a bouleversé dans la mesure où j'ai découvert comment un réalisateur pouvait rendre quelqu'un creepy, comment un acteur pouvait jouer quelqu'un de creepy, comment est-ce qu'on avait réussi, au travers de ce film-là, de me faire passer de spectateur à... puis ça, c'est là où je pense que toutes les analyses du film font que ça a été en même temps une controverse, ce film-là. On a passé de spectateur à participant à ce qui se passe dans tout l'univers de ce protagoniste, antagoniste-là. Totalement. C'est crissement creepy, c'est crissement weird de s'attacher à quelqu'un d'aussi weird et d'aussi étrange et d'aussi dégueulasse et qui fait ça d'une façon, c'est vraiment étrange. Tout l'aspect technique qui marche pas, t'en as parlé, Jean-François, au début, là, l'ombrage de la caméra et puis les scènes où le père le filme, tu vois très bien que c'est monté avec trois caméras, là, c'est complètement fou. Là, la scène du lézard, là, ça fait aucun fucking sens. Mais ça, je le voyais pas à l'époque. Mais ce film-là, j'avais 12 ou 13 ans et j'ai remarqué... Il y avait vraiment une façon crissement particulière de rendre ce personnage-là creepy. Je ne l'ai pas vu souvent depuis, comparativement à bien des classiques que j'ai réécouté et réécouté. Mais en le réécoutant cette semaine, je me suis rendu compte qu'il y a eu vraiment une grosse influence sur tous les films que j'arrête pas de parler depuis toutes les années d'Horror Gamer. J'arrête pas de parler de mes préférés. Mais vous regarderez, il y a une corrélation directe entre le Maniac que j'aime tant, qui est probablement un de mes films favoris, mais il y a une corrélation assez facile à faire entre le personnage de Frank Zito et notre personnage dans Peeping Tom. Même chose pour la plupart de qu'est-ce que j'aime. On voit aussi dans le remake de Maniac, on peut voir d'où ça a été influencé assez facilement. Ça saute aux yeux, là, c'est fou. Là. C'est c'est tout du fascinant. Mais comment est-ce que ce film-là a influencé le reste du cinéma horrifique? Mais là, je parle pas justement de des majors, là, les slashers et tout. Mais tout le monde qui a eu des personnages creepy, des personnages sournois, tout le monde, ça vient, on dirait que ça vient tout de là. Il y a une estie de leçon de cinéma au travers de ça dans la réalisation de Michael Powell, puis c'est ça que moi j'en ai retenu. Aujourd'hui, je le vois, écoute, j'irais même jusqu'à dire qu'il est peut-être responsable de ce film-là du fait qu'aujourd'hui, je travaille comme photographe tellement que... Il a allumé mon subconscient sur quelque chose. Je suis pas voyeur, ok? Je suis vraiment pas dangereux, là, même si j'ai un paquet de GoPro chez nous. Mais je te dis, ce film-là m'a vraiment marqué. Il a vraiment travaillé sur moi. Puis en le réécoutant cette semaine, j'ai réalisé tout ce qu'il y avait de fucking génial. Et puis même s'il a été imité des tonnes et des tonnes de fois, qu'il a influencé un paquet de films, il n'y a jamais, jamais, jamais rien qui est venu qu'à l'accoter. J'apprécie ce film-là chaque fucking seconde. C'est quoi, je pense j'en ai pas assez parlé de ce film-là dans toutes les fois où je revenais sur mes tops, mais je pense que c'est dans les meilleurs films d'horreur, parce que oui, même si ça reste une controverse de classer ça dans un film d'horreur, mais moi je dis oui, c'est un film d'horreur. Je pense que ça doit être dans mon top 5 à vie. Asti que j'aime ça, Peeping Tom, puis on a envie d'avoir sa chambre noire, hein. Ah, man, la collection de caméras qu'il y a là, je te jure, c'est... Écoute, je regarde ça et je suis bandé raide, mais écoute, c'est... Mais ton parallèle avec Maniac est intéressant, parce que c'est ça, la particularité de ce film-là, c'est qu'on s'attache au personnage, puis pourquoi? Ben, c'est parce que il aime pas ce qu'il fait, t'sais, il aime pas ça, il est victime de ça, puis il en est conscient, puis il veut pas de mal à la fille à qui il s'attache, t'sais, puis il veut pas la filmer, il veut pas la voir apeurée non plus, parce qu'il sait que ça va comme le turning on, tu sais. Oui, puis est-ce que je suis fou de me dire que oui, on comprend tout qu'il veut pas qu'il le fait, puis quand qu'il le fait, on le comprend. C'est pas que je suis fou dans la tête, c'est pas que je sympathise pour ça, mais on le comprend. On a réussi à pas minimiser l'impact de ce qu'il fait, mais vraiment à nous rendre ça comme... Humain. Ouais, humain et logique, dans son monde à lui, tu sais. Ben, j'ai lu que l'auteur du film, Léo Marx, était un gros, gros fan de Freud depuis sa jeunesse. Ça explique beaucoup de choses. Ouais. Non, c'est ça de but en blanc, là, quand on voit la bibliothèque, quand il monte la bibliothèque avec les livres de son père, oui, c'est référence aux livres de Freud. Mais oui, la peur. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je ferais aussi un parallèle peut-être avec, c'est moins bon que le parallèle avec Maniac, mais peut-être avec Henry, Portrait of a Serial Killer, où on essaie de rentrer dans la tête aussi du tueur, tu sais. Oui, mais c'est ça, c'est des films qui essaient de nous inciter à humanise les tueurs et... T'sais, on veut pas les voir juste comme des brutes dégueuses. Là. T'sais, je veux dire, ils ont un motif en arrière de ça, on essaie de les analyser, puis ça vient tout de là, parce qu'avant ça, ça n'avait pas été fait, puis ça n'a jamais été refait aussi bien. Fait que c'est pour ça que je donne beaucoup, beaucoup d'importance à ce film-là. Aujourd'hui, là, écoute, avec le transfert Blu-ray qui est, il est impeccable. La cinématographie de ça, c'est fucking cool. On sent dans les années 60, avec toute la technique, avec toutes les méthodes qu'il y a, à chaque fois qu'on voit notre protagoniste ou antagoniste, voyez ça comme vous voulez, en studio et tout, on revit l'époque, puis on ressent tout ce qui vient avec. Asti, que j'aime ça. Sérieusement, là, ça me fait un petit peu de peine, Sébastien, que t'aies pas accroché là-dessus. Mais oui, je sais bien. Mais tu sais, en tout cas, c'est pas grave, je respecte très très bien ton opinion, mais asti que c'est bon. Ouais, mais je pense qu'un coup que Sébastien a les outils puis il a déjà vu le film, il peut vraiment le voir pour autre chose. Tu sais, je vais prendre 2 secondes pour vous dire, je comprends quand vous dites qu'il y a des erreurs dans le film, comme la caméra, on va revenir à ça là, au tout début quand on voit le reflet, mais je me demande jusqu'à quel point c'est une erreur puis on n'a pas fait non mais on le garde. On peut reprendre la scène, mais on la garde parce que ça nous donne un troisième point de vue, puis c'est celui du spectateur. Ça vient encore plus inclure le spectateur. Mais je sais pas. Ce que tu dis là, c'est un point très, très, très, très fort. Mais je me demandais, j'ai dit, est-ce que c'est plausible que ça soit vrai? Là, moi, je disais ça, puis j'y réfléchissais en me disant, je suis pas sûr. Mais là, toi, t'arrives avec le même point, puis je me dis, Chris, là, ça fait peut-être du sens. Je pense pas que c'est voulu, mais je pense qu'au contraire, ils ont vu le screenshot, ils ont vu la shot, puis ils ont fait « Ouais, mais on la garde. » Ouais, c'est ça. Je veux dire, pas nécessairement voulu à la prise de vue, mais voulu au montage. Là. Exact, exact. Non, on la reprend pas parce que ça redonne la substance à notre œuvre. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord, mais vois-tu, je me demandais si j'étais comme le seul à le penser. Parce que l'œil, au départ, dans le film, c'est pas la pute qui regarde, c'est nous. Non, c'est l'autre, ça, c'est clair. C'est nous. Il y a une inclusion. Moi, ce film-là me fait un peu penser à Funny Games, la scène mm-hmm. où il y a un coup de feu, et ça prend quasiment 5 à 10 minutes de savoir qui a été tiré. Mais c'est ça, c'est t'inclure dans le film, c'est te donner une attente incroyable. Puis je pense qu'il y a ça aussi dans ce film-là, c'est de tellement inclure le spectateur dans le film comme étant le Peeping Tom. Mais c'est la raison principale pourquoi ce film-là, aujourd'hui, on en parle comme un film culte, on en parle comme étant un des tops, en tout cas, du moins, moi, j'en parle comme ça. Et puis, à sa sortie, ce film-là, il a été détesté par tout le monde à cause de ça. Exactement pour ça, parce que les gens se filaient mal, ils avaient le goût de prendre une douche après avoir vu ce film-là, parce que c'est comme, ouais, c'est donc être dégueulasse. Ouais, puis ça a quasiment tué la carrière de Michael Powell puis celle de son auteur, là. C'était trop malsain parce que ça incluait trop le spectateur. Tu sais, quand on fait la prise de vue en noir et blanc de sa caméra, mais on a l'impression que c'est nous qui a pris cette scène-là parce que c'est lui qui la prend, mais le film est en couleur et tout d'un coup, on est en noir et blanc. Et ce clash-là fait en sorte qu'on est tellement... Parce que là, on est repris à la position du spectateur parce qu'on vient de changer la couleur. Donc, on vient de nous sortir du film. On n'est plus dans le film. On regarde le film. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre être dans le film. On ne s'identifie pas. Et c'est vraiment dérangeant. Mais c'est voulu en plus, parce que toutes les fois justement où ça tombe au noir et blanc, on voit justement notre protagoniste qui est bien assis, confortablement posé, et puis qui attend une réaction. Donc là, on est avec lui, on regarde ça, puis on apprécie. Donc c'est astique, c'est brillant. Oui, très. Là, j'entends Steven qui est sur le bord d'exploser parce qu'il dit rien encore. Je vais te passer la parole, mon cher, parce que c'est à ton tour, puis je crois que... Là, vous en avez dit tellement. Il y a des points que j'allais mentionner, vous venez juste de dire. Fait que davantage, je suis comme, fuck, j'aurais plus rien à dire. Mais moi, je l'avais jamais vu, Peeping Tom, puis je connaissais absolument rien du film. Puis j'ai découvert ce réalisateur-là il y a pas si longtemps que ça, avec Jeff, comme il disait, avec The Red Shoes, qui est pour moi aussi un des films les plus parfaits que j'ai vu, puis un des films qui vient de rentrer dans mes tops. Enfin, j'étais quand même impatient de découvrir celui-là. Puis, ben écoute, j'y allais les yeux fermés, je savais vraiment pas... Attends, c'est un film de 1960, pas que j'ai des préjugés, là, mais j'avais juste pas de grande espérance en tant qu'effet choc, parce que le film avait une certaine réputation de choquer puis d'être dérangeant. Et étonnamment, c'est ce que le film est vraiment, puis ça m'a fait l'effet voulu, je crois, ça m'a dérangé. Mais pas dans le sens visuel. Je crois que le film n'a rien de franchement choquant ou déstabilisant au niveau de son visuel. Il n'y a pas vraiment de violence si difficile à visionner. C'est plus au niveau de sa structure puis de son implication du spectateur. Puis comme vous disiez, c'est un des premiers points que je voulais dire. C'est un film de 1960. Je veux dire, ce film-là, je pense qu'il est trop en avance sur son temps. Ça aurait dû sortir des années 70. Je pense que c'était vraiment pas fait pour sortir en 1960. Puis j'imagine les spectateurs dans la salle où que le film s'amuse à tester notre petit côté voyeuriste qu'on a tous, de pousser les limites jusqu'où qu'on est prêt à aller, puis qu'est-ce qu'on est prêt à voir, puis à se dire « OK, à un moment donné, il faut arrêter ». Puis c'est, comme vous disiez, c'est la force du film, c'est ça qui vient déranger. Puis j'essaie juste d'essayer de me mettre dans ma peau de quelqu'un de 1960, de la mentalité qu'ils avaient dans ces années-là. Puis la salle devait juste vraiment être sur un gros malaise intense. Ben juste les prostituées, là. Ben, pas les prostituées, mais quand tu fais un shooting photo, il y a celle qui est proche de la fenêtre, qu'on voit de côté. Écoute, j'étais comme, mais mon Dieu, elle est donc bien habillée, sexée. Pour l'époque, ça avait aucun bon sens. Mm. Oui. Ah non, c'est super beau en plus. Puis surtout que, je sais pas si c'est le premier ou en tout cas un des premiers films qui sera qui a approché un peu le snuff movie, si on peut dire, qui a élaboré ce style-là. Puis ça me donnait cette sensation-là. Puis comme c'est ça, comme je dis, des années 60, j'imagine l'effet que ça devait avoir. Puis en même temps, en écoutant le film, ça me rappelait tellement d'autres films, puis vous en parlez que ça a créé tellement d'influence, puis c'est clair. Puis la première chose que j'ai pensé en voyant le film, moi, c'était Blows Out de Brian De Palma et John Travolta. Puis au départ, j'étais comme, peut-être que j'essaie trop de connecter, mais quand je suis allé me renseigner un peu par la suite, c'est là que j'ai vu qu'il était ami avec Brian De Palma, puis que c'était sa source d'inspiration numéro un, Peeping Tom, pour son film. Fait qu'en même temps, j'étais comme, OK, ouais, finalement, j'étais pas si dans le champ que ça. Mais. Un petit peu, tu dis Blows. Je pense le Blows Out avec John Travolta, mais c'est pas un film d'Antonioni, c'est pas un remake d'Antonioni, ça? Ouais, l'autre c'était Blow Up. Ouais, c'est ça. Blow Up, c'était un genre de version de Blow Up. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que Brian De Palma puis surtout Scorsese ont réhabilité la carrière de Michael Powell dans les années 70 et surtout 80, en fait, quand ils ont ressorti le film. Fait que c'est là, oui, ils sont devenus amis avec. Puis même que Michael Powell s'est marié avec la monteuse de Thelma Schoonmaker, quelque chose comme ça, celle qui faisait les montages des films de Scorsese. OK. Mais comme toi, Seb, au départ, j'ai... Ben non, pas Seb, excuse-moi, JF, j'ai eu le même effet avec l'effet d'ombre de caméra. Moi, je le perçois pas comme forcément voulu. Moi, ça me dérange plus qu'autre chose. J'ai pas l'impression que c'est moi, le spectateur, que je me vois dans cette ombre-là. Ça me faisait juste me rappeler, on a fait la critique de Longest Day, qui est un très grand film de guerre, puis il y a une longue scène où on voit juste l'ombre de la caméra pendant tout le long, puis ça me gênait, puis ça m'a fait le même effet avec Pippin Tom. Puis sur le coup, ça m'a fait un petit peu peur à moi aussi, mais finalement, au bout du compte, par la suite, ça a fini par prendre le bord, puis je m'en foutais royalement. Mais sur le coup, c'est venu me titiller un petit peu, puis je pense que c'était facilement évitable. Mais encore là, comme vous dites, probablement peut-être qu'ils l'ont vu, puis qu'ils ont décidé de la laisser là, ou peut-être qu'ils n'ont pas pu faire de deuxième prise. Je ne sais vraiment pas. Mais sinon, moi, j'ai adoré le personnage de Mark. Moi aussi, j'ai déjà vu étonnamment les Sissi quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi, sans doute que ça a donné que je l'écoutais avec mes parents. Il y a pas de honte, on l'a tous vu, je pense. Mais ce gars-là est méconnaissable. Puis c'est déstabilisant. C'est tout le temps bizarre de voir une actrice comme ça jouer ce genre de rôle-là qui est complètement différent. Ça me rappelle dans Vendredi 13, chapitre 1, la mère de Jason, qui est une actrice qui est réputée pour avoir joué des rôles joyeux, puis jamais joué dans des trucs comme Friday the 13th, puis ça devait être déstabilisant de l'avoir dans un genre de rôle comme ça. Mais c'est cet effet-là que ça m'a fait avec Mark. Puis comme vous disiez, pas forcément qu'on s'identifie, mais on s'attache. Puis c'est peut-être ça le problème le plus dérangeant, c'est le côté justification qui est tellement cohérent puis tellement réaliste qu'à un moment donné, c'est comme ça vient nous fucker. Pas qu'on approuve, mais en même temps, on comprend, comme vous disiez, puis... C'est vraiment difficile à cerner, puis ça venait juste me secouer encore un petit peu plus, puis ça me donnait juste en même temps envie de revoir le film, parce que je pense que j'en ai, moi également comme ça, manqué des bouts, parce que je veux pas faire mon mentor, je vais dire, à quelques moments, je me suis endormi peut-être des 2-3 minutes, et non parce que le film il était pas bon, mais parce que je suis vraiment brûlé derrière moi. Mais globalement, j'ai réussi pareil à voir le film au complet, mais je suis sûr que il y a des choses que j'ai pas toutes saisies puis que j'en ai sûrement manqué. Mais écoute, ce film-là est tellement chargé de tout. Il y a une réalisation qui est vraiment minutieuse dans à peu près tout. Juste dans les décors, tantôt Vicky parlait justement de la référence avec la bibliothèque. Regarde un peu juste cette scène-là, tout ce qui se passe autour de la pièce, la chambre de notre Mark. C'est hallucinant, c'est juste fou comment il y a un souci du détail qui est incalculable. Fait que oui, t'as peut-être manqué 2-3 minutes, mais c'est pas à une première écoute que tu vas être capable d'avoir une appréciation complète de ce film-là. Il y a beaucoup de stock. Même moi, je l'ai vu 4-5 fois peut-être, et c'est pas assez. Il y a tellement de stock dans ça. Ouais, c'est incroyable. Michael Powell, il y a tellement de flair visuel. Quand tu regardes The Red Shoes, où tu as une longue scène de ballet de 17 minutes sans dialogue, que tout fonctionne sur la réalisation, la mise en scène, les décors, je suis même pas étonné que la maîtrise dans Pippin Tom soit autant atteint que dans Red Shoes. Quelle année, Red Shoes? 48. 48, ouais. Bordel! Okay. Est-ce que tu as déjà vu? Non, mais vous m'avez donné le goût. Ça fait longtemps que je vais le voir, d'ailleurs, à cause de votre show. Puis moi, je reviens sur les couleurs. Comme je dis, je suis trop idiot pour comprendre la symbolique des couleurs, mais il y a vraiment une symbolique qui est là dans le film, qui est présente dans Peeping Tom, comme elle est présente aussi dans The Red Shoes. Puis, tu sais, on le voit dans les coffres qui sont sur le plateau de tournage dans lesquels il va mettre Viviane, le personnage de Viviane. Tu sais, il y a des couleurs partout dans les vêtements que les gens portent. La couleur des cheveux est importante parce que c'est quasiment toutes des rousses dans le film. C'est ouais. Ça, il y a vraiment, puis il y a une autre affaire, une autre symbolique que je comprends pas non plus vraiment, ben il y a un côté phallique à ça, c'est les clés. Ouais. Mark a vraiment un problème avec les clés, il dit noir sur blanc qu'il est pas bon avec les clés, il a jamais été, on y en a jamais confié, lui sa porte n'a jamais barré, tandis que la fille dont ils vont tomber amoureux, la première scène qu'on la voit, c'est son anniversaire, puis elle se fait offrir une grosse clé en carton. À un moment donné, sa mère aussi, elle va lui dire quelque chose, une phrase qui, moi, me trouble dans le sens où j'essaie de comprendre ce qu'elle veut dire. Elle dit, tu sais, la fille a dit, je vais aller rejoindre Marc en haut. Puis Chose a dit, ben, je me souviens plus comment ça a commencé le dialogue, mais c'est la mère va dire, on a tous les deux la clé de la porte. La mienne a besoin d'être huilée, la tienne a besoin d'exercice. je suis comme, what the fuck, qu'est-ce que tu essaies de dire là? C'est-tu un message sexuel ou? En tout cas, je sais pas, là, mais c'est vraiment intéressant. T'sais. Moi, je capote vraiment sur le scénario autant que sur la réalisation. Parce que je reviendrai tantôt, je parlerai de l'auteur, mais c'est vraiment un film intéressant sur tous les plans. Là. Quand tu dis que t'es trop idiot pour comprendre la symbolique des couleurs, là, puis je dis ça pas parce que je l'ai allumé tout de suite puis que je me prends pour quelqu'un de brillant, c'est que je l'ai lu puis que je l'ai vu. Les couleurs sont associées à des moments, à une timeline, si on veut. C'est un retour sur des événements déjà passés. Réécoute-le en sachant ça, puis tu vas voir qu'il y a des retours justement sur les accents de couleurs, sur des choses, des meurtres et des moments de visionnement de films qui sont faits là-dessus. Puis honnêtement, là, quand tu sais ça, que tu vois ça, tu fais comme... Fuck you que t'as pensé à ça, mon asti de chien, toi, quand t'as écrit ton film. Ça n'a pas de sens. C'est écœurant, non? Dans la mesure où t'as un retour très, très, très, très, très précis vers la fin. Parce que là, je veux pas spoiler, même si c'est un film de 1960, je sais qu'il y a des auditeurs qui l'ont pas vu, fait que je veux pas spoiler. Mais vers un élément majeur, mettons, du deuxième acte, avant d'arriver au troisième, il y a justement un gros accent de couleur qui nous ramène justement au premier visionnement avec la rencontre de son étant amoureux, si on veut, le soir de sa fête, à cause de ces accents-là. Et puis, si tu le vois comme ça, il y a quelque chose de fucking génial qui se passe. Tu fais comme, waouh, je peux pas croire que t'as pensé à ça, mon cochon. C'est hallucinant. C'est fascinant comment est-ce qu'il a fait ça. Puis, tu parlais de timeline. Ça m'a fait allumer sur le fait que je pense qu'il voit sa vie comme un film. Parce que, un moment donné, quand il montre ses films de jeunesse, il va montrer, on va voir que sa mère est décédée. Puis là, on le voit quand il est jeune, puis il est au chevet de sa mère. Puis après ça, il fait avancer un peu les séquences. Puis là, on voit sa belle-mère qui sort de l'eau, elle est sur le bord de la mer ou de l'océan, peu importe. Puis elle est en bikini, puis tout. Puis là, la fille demande, c'est quand ça? C'est 6 mois après la séquence précédente. Ouais. Dis pas, c'est 6 semaines? 6 semaines, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Mais la séquence qu'on le voit au chevet de sa mère, c'est « Ah, c'est creepy, man, c'est juste des bras, hein. Oui. » Ça me revient à l'envers. « Oh my fucking God, j'aime pas ça. » Un autre bon point du réalisateur. Mais c'est ça, il parle de son film en termes de séquence ou de scène, fait que de sa vie, je parle. Ouais, mais c'est clair qu'il voit sa vie comme ça, il ne vit que dans ça, tu vois très bien. Tu sais, quand le gars, c'est que 80% de son appartement, c'est son lab. Oui. Malade. Puis on pense, tu sais, il y a une cuisine, mais je pense pas qu'il vit dans le reste de son appartement. T'sais. Non, clairement pas. Est-ce que t'avais fini, Steven? Ouais, ben là, je pense que je vais pas continuer à faire le tour puis répéter tout ce que vous avez dit. Puis en plus, il faut en laisser aussi pour Vicky, même s'il y a tellement de stock. Ouais. Mais non, sérieusement, moi, j'ai vraiment adoré, puis je pense qu'un autre visionnement va s'imposer rapidement. Puis non, c'est une expérience dérangeante qui m'a vraiment secoué à plusieurs moments. Mais Vicky, c'est à votre tour. Yes, ben moi, je résumerais Peeping Tom avec deux phrases qui sont dites dans le film. La première, c'est quand il prend l'image du cadavre de la femme qui a tué lui-même, on le sort, puis là, il y a des passants et tout, et il a juste sa caméra, il filme la situation, et là, on lui demande « Hey, mais toi, pour qui tu travailles? » Et il répond « The Observer ». Mais tu sais, sur le coup, tu sais, la première fois que tu l'écoutes, tu fais « Ben, ça se peut qu'il travaille pour The Observer, on le connaît pas ». Puis là, fin de compte, tu te rends compte que c'est vraiment un pigiste qui travaille à plein d'endroits différents. Donc, il travaille pas pour The Observer. The Observer, c'est lui-même. Mais ça, c'est à la deuxième écoute que tu vas faire « Ben non? Ben non? OK, ça, je l'avais pas compris à la première fois. » Fait que quand on dit que ça prend plus qu'une écoute, je pense que ça, c'est vraiment un point intéressant. Et l'autre, c'est encore une fois la scène tout de suite après. Il est dans une boutique de journaux. Il y a j'adore ça. J'adore cette scène. Ah oui, t'as-tu des nudes? Il y a un monsieur qui demande... le New York, pas le New York Times, il demande le Times puis l'Esquire, non, c'est quoi l'autre? Le Times, bref, il demande deux journaux très réputés. Puis après ça, il dit, je vais te prendre quelques magazines cochons avec ça. Fait que là, il s'en va pour sortir, puis là, il dit, monsieur, vous oubliez vos journaux, vos vrais journaux, et il était parti avec juste ses magazines cochons. Mais moi, c'est pas ça, c'est quand il regarde notre Marc, le vendeur de journaux, il regarde Marc et il dit « He won't be doing crossword tonight. » Hey, ça, c'est drôle, hein, moi. C'est très drôle. Qu'est-ce qui est écrit sur l'enveloppe, déjà? L'enveloppe dans laquelle il glisse les... Educational books. Ouais, c'est ça. C'est malade. Il y que puis he won't be doing crosswords tonight. Pour moi, ça résume tellement Pippington, parce qu'au départ, tu trouves ça drôle, puis après ça, tu fais « Ouais ». Puis c'est ça souvent, Peeping Tom, c'est que la première scène, tu fais « OK ». Puis après ça, tu fais « Ouais, c'est bien, c'est réfléchi, c'est intelligent ». Parce que juste l'affaire des clés, j'avais même pas remarqué. Puis moi, ce film-là, ça a été un travail à faire à l'université. Fait que si je l'ai pas écouté 30 fois, c'est beau, là, parce que c'était le travail à faire à l'université de l'analyser. Fait qu'à un moment donné, tu l'écoutes scène par scène et tout le découpage possible. Et j'avais même pas remarqué l'affaire des clés après tout ça, parce que nous, c'était vraiment un travail sur le regard, le voyeurisme et tout. Donc, c'est vraiment intéressant comme film, puis je pense que c'est un film absolument à voir. C'est un film culte, vraiment un film classique, parce que tout est appuyé, puis on l'a dit rapidement tantôt, c'est la même année que Psycho d'Hitchcock, et j'ai l'impression que Psycho d'Hitchcock va être une entrée dans la matière des films à suspense de cette époque-là. On peut rentrer avec ce film-là, il est facile, mais après ça, si ça nous intéresse, puis on gratte un peu pour venir en retrouver d'autres. On peut aller avec d'autres films d'Hitchcock, mais on peut également aller avec Peeping Tom. Je pense que c'est vraiment dans la même lignée, puis c'est un super bon suspense, parce que c'est pas un horreur gore. On voit jamais un cadavre. Hein. On voit quelques pieds, quelques mains, mais on voit pas de cadavre, on voit pas de sang. Y a pas, c'est pas dégueu à proprement parler. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, parce que c'est soutenu. C'est un suspense malsain, mais appuyé. Et j'avais un autre petit truc que je voulais dire. Ah oui, c'est ça, c'est que on disait que c'était en avance sur son temps, mais c'est tellement en avance sur son temps que c'est un film qui parle de bouger devant la caméra, du moi devant la caméra, de l'importance de mon image devant la caméra. Toute la scène où l'actrice, justement, qui joue aussi dans Red Shoes, qui danse sur son plateau de tournage, c'est incroyable. Elle est gracieuse, mais c'est également toute cette espèce de se voir devant la caméra. Et là, elle se met à filmer Mark qui la filme elle aussi avec un effet de deux caméras, puis c'est super beau, puis c'est toute cette idée de la caméra et sa présence. Puis on s'entend-tu qu'à notre époque, en 2015, la caméra et sa présence, il y a bien quelque chose d'imposant, c'est bien ça. Fait que je me dis, OK, c'est actuel, c'est tellement d'actualité, parce que lui, la peur l'excite. Puis ce qu'il essaie de faire, Mark, là, c'est de filmer la peur, de filmer l'angoisse. Mais aujourd'hui, avec nos caméras, qu'on essaie de tout prendre, j'ai l'impression que s'il y a bien une chose qu'on ne prend pas, c'est ce moment de peur, ce moment d'angoisse. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quand même un sujet tabou dans Peeping Tom, parce que aujourd'hui, on a des caméras partout, on se filme tout le temps, mais c'est tout le temps beau ou cocasse ou le ridicule à la limite. Ça va avoir l'air cave, là. On peut avoir l'air vraiment con sur des photos. Tantôt, j'en regardais une où un gars et une fille ont fait un chin, puis le bas du gars a tout explosé sa fille pendant le chin, puis elle a l'air nouille. Elle va le publier sur Facebook parce que c'est drôle. Mais des moments épeurants, des vrais moments angoissants, on n'en a pas assez. Ce que lui recherche à faire, ça n'existe pas vraiment sur Internet. Et ça, je me dis, OK, il y a peut-être encore un tabou à avoir là. Et c'est ça. Tantôt, je parlais en blague, je me faisais la réflexion qu'au début du film, quand je le voyais avec sa grosse caméra dans son manteau, je me disais, il y aurait du fun avec un iPhone, c'est plus pratique. Ben, il y a une scène aussi où lui, il sort pour aller au restaurant avec sa blonde, puis elle lui demande de laisser la caméra. T'en débarrasses-tu des fois? Je t'ai jamais vu sans ta caméra. Ça me fait penser aux gens qui sont, fais partie, là, qui sont accro au iPhone, puis tout, puis ça serait la blonde qui demanderait, peux-tu laisser ton téléphone de côté quelques instants, tu sais? Ça, c'est ma femme m'a déjà dit ça à propos de ma caméra, tout simplement, mon DSLR. Quand il la tient, sa caméra, là, c'est possessif. C'est son bébé, oui, c'est ça. Puis, elle collait à son corps. C'est pour ça que je faisais le parallèle tantôt que Basket Case, parce que c'est collé à lui. Là, puis il est tellement habitué que quand il y a un moment émouvant, puis il n'y a pas sa caméra, ça arrivait quelquefois, on le voit de dos, et là, il a envie de brailler, de crier sa vie, et il se retourne, et il y a les petits points crispés au niveau du chest. T'sais, tout se passe à cette hauteur-là pour lui. Oui. Tu sais, il y a des films que tu regardes pour mettre ton cerveau à off. Là, ça, c'est Basket Case. Tu regardes ça un vendredi soir, puis tout. Puis t'as des films pour te sentir plus intelligent ou qui, en tout cas, pour te challenger. Là, c'est des films comme... Qui te fait réfléchir. Comme Peeping Tom, puis en général, les films de Michael Powell, je dirais. T'sais. Ouais. Ah, clairement. Écoute, quand je disais que ce film-là a eu une influence sur ma vie, c'était pas lancé en l'air, sérieusement, parce que j'ai compris, au travers de cette folie-là, la passion qui animait ce gars-là, puis tu fais comme tabarnak, il y a moyen de représenter ça sans être aussi creepy et être fou dans la tête. Mais il y a quelque chose, il y a un artiste au travers de. Je pense que c'est même ça. Je pense que c'est le côté artistique de ce gars-là qui va plus loin que les limites autorisées, qui ont fait que je me suis attaché à lui, qui ont fait que je l'ai compris, puis qui ont fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis payé pour faire de la photo. Mais il est attachant parce que son discours, d'abord, son discours remonte à l'enfance. Tu le sais qu'il a été marqué par son père. Et ensuite, tu dis, OK, mais tout ce qu'il essaie de faire, finalement, c'est continuer l'œuvre de son père, mais il sait pas où elle s'arrête. Tu sais, il a jamais eu de fin. Fait que lui non plus, il sait pas où est-ce qu'elle s'arrête. Ah, c'est clair. Hey. On a-tu fait le tour? non, c'est une très mauvaise question. Je demande, on a-tu fait le tour? Puis non. C'est impossible. Ouais, c'est ça. On y arrivera jamais. Je pense qu'on pourrait faire un podcast au grand complet sur ce film-là. Puis ça, je suis certain, et je mets ton nom entre grosses parenthèses, Sébastien. Je suis certain que même là-dessus, tu es d'accord avec nous. Ben oui. Donc, je vais y aller avec les recommandations. Non. On va te passer au trivia. Commencez par toi, Vicky. OK. Ben moi, c'est un achat et je pense que pour toute personne qui commence dans l'univers du cinéma, c'est un achat et une vision multiple. Parce que je pense que ça peut vraiment vous aider à comprendre ce qu'est le cinéma autre que le divertissement. Parce que ce film-là est divertissant et apporte tellement de réflexions que c'est à voir et plus d'une fois. Steven. Je vais aller aussi avec un achat. C'est un film majeur puis important qui a apporté tellement d'influence que c'est fou comment tu vas juste penser à plein de films par la suite puis comprendre d'où c'est que ça vient puis de où c'est que ça partit. Fait non, encore une fois, après The Red Shoes, j'ai eu une deuxième claque avec ce réalisateur-là. Moi, je vais y aller avec le Collector Edition parce que je sais que Criterion ont fait une édition de Peeping Tom qui coûte les yeux de la tête. Ouais, sur Amazon, elle est à 265 $. Ouais, mais ça, c'est Amazon. Je veux dire, tu peux la trouver pour une soixantaine de dollars qui est quand même très cher, là, on s'entend. Ouais. Mais c'est le genre de film qui vaut une soixantaine de dollars parce que. Oui, out of print sur Criterion. Ouais, fait que ça va grimper en salle l'année prochaine. C'est probablement pour ça qu'elle coûte très cher. Mais il n'y a aucune fucking raison pourquoi est-ce que Peeping Tom, qui est un fucking film culte, devient out of print. Ça veut dire que ça veut juste dire qu'il a été acheté par une autre compagnie qui vont probablement le ressortir en Blu-ray. Là, fait qu'il faut pas s'inquiéter avec ça. D'une façon ou d'une autre, ça vous prend une édition Blu-ray de Peeping Tom. D'une façon ou d'une autre, cassez-vous pas la tête, ça vous prend ça. Si vous êtes cinéphile le moindrement, faut que vous voyez ça, puis faut que vous le voyez plus qu'une fois, donc, tant qu'à ça, ben, la meilleure expérience possible sur Blu-ray. Seb? Ben, écoute, j'aimerais ça te dire que c'est un achat parce que je vais vouloir le réécouter, mais au prix qu'il coûte, je vais me risquer à une autre écoute en location parce que mon club vidéo l'a en version Criterion, donc ce sera ça, et un jour, lorsque j'aurai apprécié le film à sa juste valeur, je l'achèterai quand il sera redisponible pour moins cher que... Puis le pays, c'est que c'est un DVD, hein, l'édition Criterion. Je pense pas que Criterion a sorti Blu-ray. Non, ouais, en plus. C'est pas un Blu-ray, même sur Amazon, il y a zéro Blu-ray. L'édition la moins chère sur Amazon est à 45 $. Bah, ben voilà. C'est une importation allemande. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça doit être même un PAL. Donc... est-ce qu'il est région 1? Je sais même pas. Fait que, tu vois, c'est difficile en Moses à se trouver. Jean-François, ta recommandation? Ben, c'est un achat aussi. Si un jour ils sortent en Blu-ray, sautez dessus. Sinon, en attendant, achetez le DVD. Le film a un look incroyable d'enfer. Ça pourrait quasiment avoir été tourné hier, là, quasiment. J'exagère un peu, mais il est vraiment, vraiment très beau. Puis, comme on a dit, masterisé, ça serait vraiment beau. Là. Oui. Il est en avance sur son temps, puis autant visuellement que dans la thématique, puis c'est un achat, assurément. Là, sautez là-dessus. Merci beaucoup. Jean-François, je te demandais, tu as des trivia pour Peeping Tom aussi? Oui, quelques trivia, oui. Ben, vas-y, mon cher. D'accord. c'est ça, ben, comme on a dit, le film a été détesté de la critique. En particulier, une femme qui s'appelle Caroline Lejeune, c'est une critique british, elle était connue sous le nom de C.A. Lejeune, était dans les 60 ou 70 ans à l'époque qu'elle a vu le film, puis elle a été critique depuis une trentaine d'années, puis elle a vu ce film-là, puis elle a vraiment vargé dessus, là, elle a vraiment détesté, puis 3 ou 4 mois après, elle a vu Psycho de Hitchcock, puis elle a même pas terminé Psycho, elle est sortie de la salle. Puis pas longtemps après, elle a donné sa démission, puis elle n'a plus jamais écrit une seule critique de sa vie. Elle n'était vraiment pas en accord avec la manière que la direction où le cinéma s'en allait. Puis qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Oui, vas-y. Excuse-moi, as-tu lu qu'est-ce que Siskel et Ebert ont pensé de Peeping Tom? Non, malheureusement, non. Parce que moi, je l'ai lu, puis je te dirais qu'il faut faire confiance à ces gars-là plus qu'à l'autre. Là. Ah, c'est clair. Parce que, ça a été redécouvert après ça. C'est ça l'affaire. C'est que ça, sous le coup, ça a comme scrappé la carrière de Michael Powell, qui depuis les années, je dirais les années 30, surtout depuis les années 40, avec son partenaire Emmerich Pressburger, qui ont eu ils ont collaboré ensemble du début des années 40 jusqu'au milieu des années 50. Ils ont fait des films incroyables qui étaient assez populaires quand même en Angleterre, puis très, très, très bien vus par la critique, puis c'était des enfants chéris de la critique un peu. Michael Powell avait encore ce pouvoir-là quand il a fait Peeping Tom, mais ça a tout tombé. Ça a scrappé sa carrière. Il a fait encore peut-être 5 ou 6 films après ça, mais c'est tout. Puis ça n'a pas été des gros succès. Le seul qui a vraiment marché un peu, ça s'appelle Age of Consent en 68. C'est un des premiers films d'Hélène Mirren. Pour les intéressés, on la voit nue quasiment tout le long du film, je pense. Mais c'est ça. Puis ça va être la même chose pour l'auteur, Léo Marx. J'en ai parlé depuis tantôt, mais lui, il m'intéresse parce que je ne le connaissais pas. Apparemment que c'était un code breaker dans les années durant la Deuxième Guerre mondiale, un peu comme le personnage principal du film The Imitation Game là, qui vient de sortir, qui est aux Oscars. Puis c'est ça, c'est un gars qui écrivait puis qui déchiffrait des codes durant la Deuxième Guerre. C'est aussi un gars, d'où la... Puis là, la référence au crossword dans le film, dans la scène que Vicky mentionnait, ça vient de là, c'est que c'est un gars qui écrivait des crosswords dans le Times, dans le London Times. C'est un gars extrêmement intelligent, lettré, intéressé, comme je disais tantôt, par par Freud, par toutes sortes de trucs, par la psychologie. Puis son film est rempli de ça. Mais c'est ça, ça a tué sa carrière aussi de scénariste. Il n'a pas fait grand-chose par la suite. Ces deux hommes-là ont été, Michael Powell puis lui, ont été réhabilités, comme je disais depuis tantôt, par Scorsese, surtout, puis Brian De Palma. Mais surtout Scorsese, qui dans les années 80-90, a ressorti beaucoup de films, a sorti de l'ombre beaucoup d'œuvres, dont l'œuvre de Michael Powell et surtout Peeping Tom. Puis Michael Powell a eu le temps de voir ça avant sa mort en 90, a eu le temps de voir sa carrière reprendre de l'aplomb un peu. Puis c'est devenu maintenant un classique, là. Ça a été complètement réhabilité. Puis ben c'est ça. Parmi les autres trivia aussi, il y a quelques autres petites affaires. Quand on voit les films maison de Mark dans le film, ses souvenirs de famille, celui qui joue son père dans les films, c'est Michael Powell. Puis celui qui joue Mark, le jeune Mark, c'est le fils de Michael Powell. Ce qui rajoute peut-être encore un peu au côté un peu méta du film où on voit le réalisateur, en tout cas, toutes sortes de trucs. Là, il y a plusieurs niveaux à ça. Tout ce qu'on voit dans le studio à Mark, dans sa chambre noire, toutes les caméras qu'on voit, c'est la collection privée de Michael Powell, de caméras. Sinon, c'est le premier film de l'histoire à nous mettre dans le point de vue du tueur. Puis c'est pas mal les trivia que j'avais. Il y avait d'autres choses, il me semble, que je voulais dire. Non, ça, en gros, c'est ça. Je me désolé. Il n'y a pas de problème. Coupera ce bout-là. C'est fou, pareil, quand on regarde le nombre de films qui sont considérés comme les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, que la plupart se sont plantés dans les salles ou qui n'ont pas été aimés pantoute, là. Ça arrive assez fréquemment quand tu regardes ça. Comme de quoi que l'audace, ça paye pas. Hein? Puis, tu sais, ça, ben écoute, on parle des années 60, c'est pas tout à fait représentatif d'aujourd'hui. Mais quand même, là, je veux dire, sacrément, c'est plus qu'audacieux, ce film-là. Puis, c'est plus qu'audacieux encore aujourd'hui. Fait que, je trouve ça vraiment génial. Merci Jean-François pour tes trivia. On va y aller en musique. Sébastien. Eh oui! J'étais sale, hein? T'es sale là-dessus. Parce que j'ai demandé à Sébastien dans le chat il y a à peu près une seconde et demie. Trouve une toune maintenant. Et je l'ai trouvé. Vas-y. Écoute, là, tu me sors ça comme ça, alors pas d'inspiration par rapport au film ou quoi que ce soit. On y va seulement avec une Christie de bonne toune. Puis ça donne que la toune a le titre d'un film d'horreur, donc ça en a un lien quelque part. Et c'est Body Snatchers de Radiohead. On va aller écouter ça, puis on vous revient avec la conclusion. We'll be right back. do not understand what it is. I don't know, but for the holes, check for holes. Lick your eyes, won't forget to know. I have no idea what I'm talking about. I'm trapped in this body I can't get out. Chers amis, c'est l'heure de la fin. Et oui, l'épisode numéro 44 tire à sa fin. Une petite conclusion pour ça, ben... avec quoi qu'on va envoyer aller avec Steven, côté bras de fer des films. Toi et Jean-François, qu'est-ce qui se passe? On vient de sortir cette semaine notre deuxième épisode Time Out, où ce qu'on parle de qu'est-ce qu'on a vu au courant de la semaine dans nos lecteurs. Et on a fait aussi notre premier test vidéo. Dans le fond, on l'a fait en version audio et version en direct avec Hangout, qui est disponible maintenant sur YouTube. C'était un test. Il y a un petit problème de synchronisation, un délai de comme 2-3 secondes. Mais on voulait le tester pour le fun. Fait que, si vous voulez essayer ça, c'est toujours disponible sur YouTube. Sinon, notre prochain épisode, qui a comme thématique film de prison, on y va avec pour le classique Papillon, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Et pour le Nanar Navet, On y va avec Rikkyo, The Story of Rikki, qui est considéré pour plusieurs comme l'adaptation cinématographique de Ken le survivant. Ça risque d'être très le fun et plein de bons moments. Pour une fois, j'ai vu ces deux films-là et ces deux fucking excellents choix. J'ai très très hâte de vous entendre en parler. Sébastien, côté fan de regarder films, qu'est-ce qui se passe? Hey, le tournage est à moitié terminé. C'est la première fois que je me lance dans un tournage de dans plusieurs lieux. Puis écoute, même une nouvelle surprise, nouvelle comédienne, personnage qui se rajoute à l'équipe. Hey, il y avait des virgules puis des parenthèses en tabarnak dans tout ça, mon gars, c'était assez épouvantable. Ben hâte de voir ça, mon cher Sébastien. Et puis moi, ben je vais en profiter pour faire une petite promo pour ma chaîne Twitch. Mais en réalité, j'ai fait une chaîne Twitch pour l'Horreur Gamer Show. Pour ceux qui sont pas familiers avec Twitch, ben c'est tout simplement c'est du streaming en direct, principalement de jeux vidéo. Je stream depuis longtemps, mais j'ai jamais pris ça au sérieux. Mais depuis un petit bout, je me suis rendu compte que toutes les fois que je streamais, je rencontrais des gens, puis des gens vraiment intéressants. Et puis, je me suis fait plein d'amis avec ça, puis c'est vraiment trippant. Donc, j'ai décidé... C'est facile de streamer là, avec la console maintenant, là. Ah, ben, je fais pas ça de même. J'ai décidé d'investir et d'avoir de quoi d'assez pro, là, sérieusement. Oh. Je fais de quoi de propre. Fait que c'est ça, j'ai essayé de teinter un petit peu les couleurs de l'Horreur Gamer Show à ma chaîne Twitch. Donc, si vous voulez, vous allez sur twitch.tv/horreurgamer en un mot. Et puis, vous vous abonnez. Vous faites un follow, on clique sur le petit cœur, là. Puis, toutes les fois que je vais être en ligne, vous allez recevoir une notification. C'est vraiment cool parce que même si je suis en train de jouer à des jeux vidéo complètement random, ben, tu sais, c'est toujours une façon de facile de jaser. Puis c'est pas mal tout le temps ça qui arrive, là. C'est que je me suis fait des amis à jaser avec du monde de tout et de rien pendant que j'étais en train de me faire péter la gueule à tel ou tel jeu. Mais pour rendre la chose un petit peu plus propre, c'est que je suis pas juste collectionneur de films d'horreur, je collectionne aussi les jeux vidéo d'horreur. Et puis là, j'ai commencé à en mettre une belle petite pile que j'avais diffusée live. Je me lance très très très prochainement, pour pas dire cette semaine, dans The Uninvited, un vieux jeu point and click sur NES, vraiment cool. Je viens de m'acheter les deux Phantasmagoria qui vont être les prochains. Oh, ouais, ça va être vraiment cool de jouer les Phantasmagoria. Puis je vais faire ça en forme de let's play avec qui veut bien venir jouer. Tu me le diras. C'est clair, ça va être sur le Facebook. Je vais être avec toi pour faire ça. Oui, on va avoir un fun noir. Tu fais-tu House? Au Nest, ça, House, Home. Sweet Home, tu parles. Sweet Home. Oui, je vais faire Sweet Home. Je vais faire j'ai Clock Tower aussi, ce Super NES, qui est vraiment un spin-off du film. Voyons, le nom m'échappe. C'est vierge. L'Argento qu'on a parlé récemment dans ma chaîne liste à moi. Non, Phenomena, exactement. À part de ça, j'ai les deux Manhunt sur PlayStation 2 que je vais faire. Une shitload de jeux d'horreur que je vais faire avec vous, chers auditeurs. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est de venir sur Twitch, twitch.tv/horreurgamer. On va jaser, on va avoir du fun, on va rire. Puis vous allez me voir en train de sacrer après des monstres de jeux vidéo. C'est vraiment cool. D'ailleurs, j'en ai pas parlé à mes collègues ici, mais probablement que les prochains lives vont se ramasser sur Twitch, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde et puis qu'il y a un chat de disponible qui est beaucoup plus en temps réel que via... La dernière fois, on marchait avec Twitter puis on avait des petits problèmes là, de délai et de visionnement. Fait que on va essayer de faire ça sur Twitch. On va vous donner l'adresse en temps et lieu. Vous allez voir, c'est super simple. Puis c'est ça. Tu avais sûrement vu, j'imagine, pour le jeu de Friday the 13th. Oui. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on en parle puis il n'y a rien de concret encore. Fait que je suis pas... Saute pas là-dessus. On a juste vu des dessins. Là. Il y a rien. Ah, ok, je pensais que c'était plus concret que ça. Non, vraiment pas. Fait que... Ah, dommage. Ouais. Ceci dit, Vicky, t'avais rien à plugger. Non, vraiment rien. Je suis plate de même. Pas grave, ça. On t'en veut pas. Ceci je travaille dit... au restaurant de Bretonville, proche de Sherbrooke. Venez me voir. Excellent, ça. Bon, oui. S'il y a du monde proche de Sherbrooke qui cherche une place, ça allait prendre un lunch, un café, whatever. Exactement. Bretonville. Puis c'est une occasion de rencontrer Wolverine en vrai? Oh, God. Non, c'est Brompton. B-R-O-M-T. Fait que Bronton, Brompton. Fait que non, il n'y a pas de Wolverine. Il n'y a pas de... Il y a comme un sale délai, anyway, quand tu parles. Je te dirais que ça devient difficile de comprendre ton appellation. Fait que ça veut juste dire une chose. On va finir ça, ce show-là. Fait que, ceci dit, on a donné un crisse de bon show ce soir. Deux films fucking opposés. Deux films vraiment intéressants. Ah, hey, une dernière chose que je voulais parler. Prochain film, Sébastien, Jean-François, je t'avais donné contrôle sur le prochain show qui risque de se passer très prochainement. Donc, veux-tu nous plugger les films? Parce que je sais que tu vas être content. C'est quoi déjà? C'est ton choix. Okay. Non, je niaise. Les prochains films, c'est les films musicaux. Et j'ai choisi un film que j'ai jamais vu. Sweeney Todd, le film de Tim Burton. Oh boy. Ça promet. C'est-tu un bon boy ou un mauvais, ça? Ben moi, je l'aime, ce film-là. Je connais quelques chansons par cœur. Si je connais bien Seb, c'est un oh boy de découragement. Ouais, moi aussi, c'est l'impression. Tim Burton, après que j'ai arrêté de l'aimer. Écoute, j'aime pas Tim Burton, mais j'aime Sweeney Todd. Fait qu'on va rehausser ça avec Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Oh yeah! Yes! Excellent ça. Fait que sur ça, ben écoutez, cet épisode-là risque d'arriver très très très prochainement. Donc, ben, pour des nouvelles, venez toujours sur le Twitter à commercial Horror Gamer, sur notre bon vieux Facebook. Sur le Gmail, horrorgamer@gmail.com, sur notre bon vieux site web, www.horror-gamer.com. Y a-t-il autre chose que j'oublie, là? Je veux juste mentionner une anecdote bizarre que j'ai vue sur Facebook, ça me traumatise. Tu m'étonnes. Ça n'a aucun lien avec l'horreur, mais même à ça. L'acteur qui jouait le Power Ranger rouge, il a été retrouvé mort dans sa chambre avec une épée. Non, je pensais que c'était lui qui avait tué quelqu'un avec un épée. Va relire tes nouvelles, Steven, tu nous reviendras avec ça au prochain show. Non, mais ça se qu'il y ait raison, là. Là, en tout cas, c'est un des deux, c'est sûr. Il y a Ranger rouge puis un épée d'impliqué. Excellent. Oui, c'est ça. Sur ce, ben, écoute, à la prochaine. Gardez ça horreur d'ici, là. Ciao, bye. Ciao. Bye. Hey.